Et voici maintenant une compilation des meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou, diffusées tous les jours du lundi au jeudi, soit Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de cons de 11h à 13h. Bonne écoute! Maintenant, c'est le moment, comme on avait dit, d'une chronique particulièrement spéciale de Frédéric Bernard. Donc voici Google. Bonjour à toi, Frédéric Bernard. Bon matin, Mathieu. Ça bon va. Matin, Tania. Bon matin. Hello. Mathieu. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? De la neige. Yes! Pas de la neige! Mais oui! Non, je vois ça par la ville, j'ai vu ça en auto tout à l'heure, failli faire un accident, j'avais bien du fun. Mais voyons donc, breaking non, non. news, toi, breaking news. On est sur la coche de l'actualité. clac, merci Colette. Oui, c'est ça. Donc, oui, alors, oui. Dernière chronique de la session automne. Oui, évidemment. Session avant les fêtes. Avant le congé et tout ça, mais oui. Si on va venir en janvier, là, on se stresse pas avec ça. Non, moi je reviens. Oui, c'est ça. Je, okay. je reviens. J'ai répondu par la négation, mais c'est positif, en fait. Je reviens, c'est oui, en fait. Drôle de façon. T'es vraiment bizarre, oui. Finalement. Je regarde, puis. Mais oui. Je te trouve bizarre. C'est ça, marcher sa langue. Est-ce que tu vas essayer de battre le record de 55 minutes tantôt de notre ami Sébastien Pierrefin aujourd'hui? Je rappelle que je l'ai déjà battu. J'ai fait 1h05. Fait que l'année passée, dans une autre chronique. Mais c'est ça, c'était pas la même chronique. Fait que aujourd'hui, on fait 2 heures, c'est un marathon. Fait que, à la fin de l'année, je vais prendre toutes les Google Globes, puis je vais toutes les en reparler en même temps. Mais sais-tu quoi? Oh my god! Quand j'ai réfléchi à faire des. Parce que des fois, on fait des petits montages quand on est absent pour une raison ou une autre, on fait des montages de chroniques. Mettons, on a fait Justine Renaud pendant 3 heures, c'est 6 chroniques. Toi, j'ai essayé de faire une émission spéciale avec toi, ça restait comme 3 chroniques. C'est un peu plate, une émission avec 3 chroniques. Oh, c'est de ta faute. C'est ta je faute. Trouve drôle. Ah, c'est très drôle. Très drôle. Mais ouais. Mais Mathieu, autre chose aussi, à part la neige, à part le fait que je bats des records et que je parle longtemps puis que je suis drôle. Crémier, humble aussi, hein, je pense. Oui, oui, beaucoup. J'ai un invité spécial, comme il a été annoncé depuis le début de l'émission. Où arrête ça, de faire semblant d'être surpris, je t'ai envoyé un message. Okay, awesome. Et dans notre face depuis comme 5 minutes. Oui, c'est ça. Alors, je vous la présente à vous, chers auditeurs. Alors, Cathy F. Côté. Alors, qui est Cathy F. Côté? Je vais la laisser. Salut. Je vais la laisser. Salut. Salut, bonjour tout le monde. Salut. Je vais la laisser se présenter. C'est vers ça que je m'en allais. Mais, t'es tellement galant. Hein? Mais oui, c'est ça. Donc, Cathy F. Côté, en fait, l'année prochaine, la session prochaine, je ne vous laisserai pas tomber. C'est entre ses mains que sera Google Globe si des fois je dois m'absenter pour sauver le monde. Ouais. Tu ne te fais pas remplacer par elle. Non. Je peux pas faire ça, la place est trop grande. Ah, les souliers. Les souliers sont trop grands. Tu vas nager dedans. Oui, c'est ça. Ça va être plate. Donc, tu vas venir nous voir une fois de temps en temps quand il va être absent. Exactement. Quand il sera trop fatigué, je prendrai la relève. Et après ça, tu vas tellement devenir accro que tu vas vouloir venir à chaque semaine. Puis on va avoir une autre chroniqueuse en émission. Yeah! Qui sait? Je mets beaucoup de la pression comme ça sur les gens. Je veux... Je veux qu'on ait des chroniqueurs. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a du monde qui pleure dans le monde. C'est ça. Parce que tu leur mets de la pression. Faites des dons maintenant au numéro en bas de l'écran. Oui. Bref, Cathy, tu vas aussi participer à la chronique d'aujourd'hui. En fait, t'es pas là juste pour assister, pour plus tard prendre la place. Mm-hmm. En fait, c'est ça, on va faire la chronique en collaboration cette semaine. Chacun notre tour, on va parler d'un lien qu'on a trouvé à propos de la question qu'on a posée à Google. Le principe reste le même, donc on pose une question à Google. Oui, cette fois, c'est Cathy, en fait. Alors, j'avais un peu une idée vers quoi je voulais m'en aller dans cette chronique-là. Je l'ai proposé à Cathy, qui a trouvé la question. Oui, et, que j'ai testé après mes réflexions, donc un beau gros 3 minutes. Puis j'ai dit oui. Fait qu'on va prendre cette question-là. Bon, c'est quoi? Ben oui, en fait, on m'accusait beaucoup d'être quelqu'un qui croyait aux fées puis tout ça. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai vraiment l'esprit de Noël dans mon cœur. Développé. Très fortement développé. Et ça agaçait quelques personnes. Alors, je disais, mais est-ce que l'esprit de Noël s'attrape? Donc, c'est ça la question. Comme un rhume. Comme un rhume. Est-ce que ça s'attrape? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce qu'on peut se forcer pour avoir l'esprit de Noël aussi? Est-ce qu'on peut faire des efforts pour être plus enclin à cette fête-là? Donc voilà, c'était ça notre question qu'on a posée. Ouais, on parlait, je pense que vous parliez du grincheux. Oui, parce que Mathieu a été déclaré officiellement grincheux. Ah, j'ai au moins 12-13 symptômes de sa liste de... Ouais. Donc toi, t'as pas l'esprit de Noël. J'ai pas vraiment l'esprit de Noël. Ben, peut-être qu'on va te convaincre ce matin. Merci, je vais triper ses fées à la fin de la chronique aussi. Tu vas me transmettre tous tes problèmes, Katia. Je pense qu'on peut y aller avec le premier lien, dans les pages 1 à 5, alors sur la question de comment attraper l'esprit de Noël. Je vais te laisser commencer pour le premier lien. En fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, le premier lien qu'il nous a donné, c'est ce que ça m'a donné, c'était le blog Pouvoir de changer, qui est en fait un blog catholique, qui nous expliquait le vrai sens de Noël, hein, le vrai sens qu'on oublie quand même assez souvent. En fait, c'est la personne qui a écrit le billet de blog part d'une autre chronique qui disait que c'était un Américain qui allait dans les magasins et qui demandait aux gens « Dites-moi, c'est quoi l'esprit de Noël? Où puis-je le trouver? » Puis là, tout le monde disait « Regarde, il y a des guirlandes, il y a le sapin, il y a le Père Noël. » Là, personne ne pouvait lui dire où trouver l'esprit de Noël jusqu'à ce qu'une sage petite vendeuse lui pointe son chest en disant « Il est dans ton cœur. » Belle histoire. Mais c'est pas fini. Ce que la chroniqueuse, elle, nous dit à propos de cette autre chronique, c'est qu'en fait, l'esprit de Noël, c'est plutôt un sens religieux, nécessairement, dans un blog catholique, c'est de savoir que Jésus a existé et qu'à Noël, on se rappelle de ça et de savoir que cette histoire est vraie. C'est ça, l'esprit de Noël. C'est drôle parce que moi, j'ai trouvé un lien. Je pense pas que je l'ai mis, mais j'ai trouvé un lien plus tard puis, qui parlait justement des origines du fait qu'on se donne des cadeaux à Noël, du sapin tout, et que ça daterait de l'époque romaine. Mais bon, je dis ça de même. Ça daterait d'avant l'époque romaine. En fait, c'était au solstice. Et là, je vais de mémoire, ils se donnaient des présents. Alors, pour fêter l'abondance. L'abondance. Alors, un des péchés capitaux. Oui, c'est ça. C'est pas vrai. Je trouve ça drôle, les blogs catholiques. Faut bien référence. En plus, la blogueuse cite des passages de la Bible, donc on a vraiment des passages précis. Oh. C'est super documenté. Là. Les sources sont fiables. Oui. Ça va être de et véridique. Est-ce qu'on a tous, sur Facebook, on a tous un ami, à un moment donné, qui poste des psaumes, des trucs bibliques. Une personne Au moins une. Ouais. Moi, dans les pages 1 à 5, le premier lien que j'ai trouvé qui était intéressant, je suis pas dans la même vague. Non, pas du tout. C'est sur le site Aventure, Chasse et Pêche. Fait que, hey boy. Sacha que... Ben, péché. Hein? Péché, c'est catholique. Ben oui, t'as raison. Voilà le lien. Donc, en même temps, je trouve ça drôle, le comparatif qu'on peut voir avec ce qu'on va trouver selon notre algorithme Google-esque. Donc, le site Chasse et Pêche nous propose comment attraper un lutin. Utilité blagueur, utilité blagueur. Oui, c'est ça que beaucoup de parents ont et s'amusent à faire des farces. Que les lutins s'amusent à faire des farces durant la nuit pour les enfants. Bien, ce site-là propose plusieurs méthodes sur comment l'attraper, dont avec une tête d'oreiller. Il y a une vidéo démonstrative. Ah, pour vrai? Oui, il y a vraiment une vidéo démonstrative. Est-ce que c'est une lutelle oreillée? L'été. D'oreiller, ça joue moins que lutin. Non, elle aurait pu être pas pire. Merci. Tu l'avais mieux travaillé, mieux sorti. Ingrat, t'es tellement ingrat. Je vais te poursuivre pour le deuxième lien. Je sais pas. Moi, j'avais. Moi, c'était vraiment tout. J'avais juste une vidéo. Fait que vous allez voir la vidéo. Pour l'autre lien, moi, que j'ai trouvé, c'est sur la presse. Alors, sur comment attraper. En fait, c'est pas comment attraper, mais c'est un engin qu'on peut appeler une bébelle pour les bouchons de champagne. C'est intelligent. Je viens de regarder ton article. C'est quoi? C'est un attrape-bouchon qui fait pop. Ah. C'est vraiment fait comme pour le mouvement de la main. En fait, c'est qu'on place ça sur le champagne. Il y a une espèce de petite griffe qui permet de tirer le bouchon. Mais c'est fait dans un long goulot, ce qui fait que le bouchon va popper quand même. Alors, ça sera pas comme juste un débouche. On va avoir vraiment l'effet de popage. Et on évite les dangers du bouchon dans l'œil. Et c'est ce qui est dit dans l'article. Ça tue combien de monde par année, ça? Ils sont en aveugle, combien? Oui. Combien de personnes ont perdu la vue le jour de Noël? Jour de Noël. Une autre question pour Google. Là, en janvier. Les dangers des fêtes en janvier. Puis c'est sur lapresse.com. C'est sérieux. Mais oui, j'ai pas regardé combien. Je pense qu'il... Ah non, oui, j'ai regardé, c'est une trentaine de dollars. Le petit engin. Non, c'est ça. Ça vaut la peine. C'est modeste. On n'y est jamais avec la sécurité. Hein, c'est super important. Oui, exactement. Surtout puis, pendant le temps des fêtes. Tania a payé bien plus cher pour un engin, mon gars. Eh oh, jamais payé rien. Excuse-moi. C'est trop facile des fois. Ouais, je sais. Bon, fait que c'est là qu'il faut que je chante une chanson. On parle d'engin pour ma voiture. Hey, moi, je vais aller avec mon autre lien. Oui. Dans le fond, tu sais, le blog précédent, lui, il critiquait un peu l'esprit de Noël, là, de cette fête consumériste qu'est Noël. Mais dans l'autre article suivant, là, qui était vraiment juste après, c'était comment avoir l'esprit de Noël, mais tu sais, de façon consumériste, de la façon qui était décriée avant, c'est-à-dire de laisser aller son cœur d'enfant puis de décorer le sapin comme si on n'avait jamais décoré ça avant, un sapin. s'amuser pendant le temps des fêtes, vraiment, comme un enfant, s'offrir des cadeaux à soi-même. Ça, c'est aussi vrai. Oui, c'est important. C'est bien beau de donner des cadeaux aux autres, mais on existe, nous aussi. Il faut s'apprécier. Il faut s'apprécier, c'est pas à outrance, comme Fred, des fois. Non, pas comme moi. Pas comme moi. Il y en a beaucoup qui font ça, qui prennent un cadeau puis qui se mettent leur nom en dessous de moi, à moi. Ah ouais, pour Noël? Ben, dans ma famille, il y en a beaucoup qui le font. C'est zéro écolo, là. Ah, non, de t'emballer ton propre cadeau. C'est vrai. Il se donne un toutou dans lequel il a envoyé sa propre voix. C'est sûr que tu peux enregistrer un message. Oh, Fred, je t'aime tellement. Ben, mes parents ont fait ça l'année passée. Ils ont fait un cadeau de nous à nous. Fait qu'ils sont, c'était dans une enveloppe, fait qu'ils se sont fait un voyage, là. Ah! C'était de nous à nous. Ouais. Mais moi, j'ai une de mes amies, là, ses parents lui donnent de l'argent pendant l'année, elle achète son cadeau, mais elle lui redonne à ses parents, puis ils doivent, tu sais, comme, elle l'a acheté elle-même. Mais elle va le déballer à Noël. Elle n'a pas besoin de le déballer ni de s'en servir. Exactement. C'est, ok, alors c'est cool, ça. J'aime ça. C'est elle qui l'a acheté, c'est pourri. Tu sais que tu vas aimer ton cadeau? Non, mais tu sais. Oui, c'est mieux que de faire semblant que t'as aimé ça. Mais là, sur une liste. Ouais, t'as raison. Mais le jour de Noël, quand on déballe les cadeaux, l'indispensable, l'accessoire indispensable, c'est le chandail. Oui, le chandail de Noël. The Ugly Sweater. Ben oui, le gros chandail de Noël, comme Ron Wesley reçoit à chaque Noël dans les Harry Potter. Oui, les gros chandails confortables. Ben, c'est comme ça que je fais un lien vers mon prochain lien. Fait que, je sais. C'est pas ta première chronique. Non. Donc, sur Sympatico, fait que c'est comme les chandails les plus horribles que je vous ai mis. Il y en a vraiment qui sont spéciales. Il y en a qui sont douteux. Il y en a, je vous dirais, qui sont douteux. Il y en a qui sont juste particulièrement laids, d'autres sont douteux. Moi, le sapin, je le trouvais beau. Il y en a un, c'est une fille, elle est déguisée, elle a un chandail. Elle a des guirlandes un peu. Oui, c'est ça, un peu sur elle. Puis quand elle met ses bras dans les airs, ben, ça fait une étoile au bout, puis ça fait un sapin. C'est vraiment magnifique. C'est hot, c'est beau. Il y a celui-là qui est le deuxième sapin qui est un peu moins bon. C'est un sapin synthétique, son chandail, je pense. Oui, c'est comme une guirlande verte qui est comme collée à un gilet, là. Puis il a mis des boules. As-tu vu celui où la madame, un bonhomme de neige à l'envers, donc la grosse boule en haut, la petite boule en bas, la tête en bas, et elle a une carotte. Oui. Là où elle aurait un engin. Mais c'est une madame. Je vous ai dit qu'il y en avait qui étaient douteux. C'est la grande classe. Ouais. Ils ont même instauré la journée du chandail lait de Noël. C'est le 11 décembre. Ah ouais. Ouais, donc tout le monde l'a raté. Voit... Oui, on l'a raté, effectivement. Sinon, je serais vraiment venue avec un tel chandail. Avez-vous vu le couple de grands-parents qui ont un gilet l'un de l'autre? Ah, yark! Non, hey, c'est vraiment... Genre la face de l'autre personne. Ben oui, la face de l'autre personne, oui, c'est son chandail. C'est magnifique. Ah, ça, c'est des... Ça, j'aime bien. C'est parfait. C'est bon genre. Je dois dire que j'avais j'ai la photo du prochain lien de Cathy à côté, puis ça m'a pris un moment pour comprendre qu'est-ce que c'était que cette photo-là. Hey, en fait, c'est deux hippopotames, la bouche ouverte, qui se battent. En fait, c'est un article du magazine Slate qui nous apprend à gagner les disputes pendant qu'on peut avoir pendant Noël. Quand on se chicane avec notre famille. Tout le temps sur les mêmes sujets, là, la politique, la religion, les enfants de même. Ouais. Ça, c'est tout en ça. Ouais. Ou l'épicerie. L'épicerie. Hey, ça, là, dans ma famille, mon oncle, il capote tout le temps. Ben, c'est plus ton oncle. Il est fâché contre les épiceries. Ouais, il dit qu'il y a trop de choix dans les épiceries. Ah! Il y a un retour au magasin général. Si ouais, exactement. Il est un peu. Ouais. Tu l'inviteras à l'émission. Ah, ben oui, je vais faire ça. Mais en fait, si ton oncle n'aime pas l'épicerie, ce que le magazine te conseille, c'est justement de ne pas parler de l'épicerie. Ben oui. Ah, pour vrai? À ce moment-là. T'évites les sujets touchés. Mais oui, c'est ça, parce qu'il y a le phénomène qui appelle... comment l'a-t-il appelé? En fait, c'est comme... il dit quand il y a une dispute, quand deux personnes ont un argument ensemble, chacun se ferme sur la proposition de l'autre parce que leurs visions du monde sont trop différentes. C'est drôle parce que je suis en train de suivre un cours sur l'analyse de discours à l'université ici. Puis on parlait des coupures cognitives, c'est-à-dire quand tu as un argument, puis à un moment donné, tu sens que tu perds, ben ouais, tu te coupes cognitivement à tout ce qui se passe. Fait que c'est vraiment ça qu'ils décrivent. Puis en fait, c'est vraiment ça quand on chicane à Noël. Moi, ça va être très pratique parce que je viens de Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent. Et puis on a élu un député conservateur. Oh non! Et je peux vous laisser deviner que ma famille a voté conservateur. Ouais, parce qu'on a été partiel, nous autres. Je me suis jamais dit comme ça. La façon que tu as apporté la phrase, je me suis dit que ça ne doit pas être ta tendance. Ben c'est ça. Clairement, elle a pas voté conservateur. Non. Mais pourtant, c'est parce qu'ils sont fait avoir en fait à Rivière-du-Loup. Notre député fédéral s'appelle Bernard Généreux et le député provincial Jean D'Amour. Fait qu'à Rivière-du-Loup, on aime ça, la générosité, l'amour. Donc toute l'année est dans l'esprit de Noël. C'est un peu cheesy tout ça, je trouve. Ah ah. Hey, as-tu vu qu'en entrevue sur le site de Slate, il y a le Père Noël? Oh. Regarde ça. <barbe. rire> Le gars, il a une barbe. Il est pareil comme le Père Noël. Oui, c'est ça. Il est pareil. Bref, faut être là. Fallait être là. Ah, mais c'est une barbe. Faut être sur la page. Ouais. Correct. C'est une barbe, fait que tu l'aimes, Tania? Tout à fait. Okay. C'est le fun, la barbe du Père Noël. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. On a établi que Tania aime les barbes. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ce matin, on a établi que si j'aimais les hommes à barbe, c'est à cause du Père Noël. Oui, parce qu'elle a travaillé comme lutin dans un centre d'achat. Ouais, voilà. Ouais. T'as fait ça? Ouais, j'ai fait ça. On s'en charge. Lutine. Lutine. C'est important de dire lutine. Ouais, lutine. Lutine. Joindre l'utile à l'agréable, comme on dit. Voilà. Celle-là est pas peu. Merci. Oui, celle-là était bonne. T'es fun. As-tu des playlists à Noël? J'ai des playlists, mais j'ai pas des playlists de Noël. Ah non? Non, c'est un grincheux. Ouais, j'aime pas habiter de Noël. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben, Tania, as-tu une playlist de Noël que tu fais jouer en boucle dans ton appart? Non. Je savais qu'elle avait ça. C'est ça, c'est ça. Dans son char aussi, elle a ça. Aussi. Mais dans le fond, je vous propose sur le site Terra Femina. Ah, hein? Je l'ai vu celui-là. Fait que 10 trucs pour attraper l'esprit de Noël. Fait que clairement, on les tient les 10 là. Ben déjà, les bas de laine que les enfants ont sur la photo, c'est déjà pas mal festif, je trouve. Ils sont en laine et rayés comme des Pepperman rouges et blancs ou vertes et blanches. Oui. Moi, j'ai le goût de toujours avoir 10 ans à Noël. C'est toujours vrai, hein? Avoir ton pyjama. One Piece, puis ouais, je suis d'accord. Pouvoir faire un pipi en levant le flap en avant de ton pyjama. Tu dois encore avoir un calendrier de l'avant. Non. Quoi? Non, je n'en ai pas eu cette année. Parce que d'habitude, c'est ma grand-mère qui me le donne. Fait qu'on dirait que de plus être nécessairement juste à côté de chez ma grand-mère, c'est comme. Ok, pas morte. Non. Moi aussi, j'ai eu un chantel malade. Non, c'est juste qu'on n'est plus. On n'habite plus à côté. simplement. Puis j'avais l'impression que ma grand-mère faisait pousser ça dans son jardin. Puis elle me donnait ça. J'ai comme réalisé cette année que ça s'achetait. Ça s'achetait. Attends un peu. L'épicerie va pousser la même chose que ma grand-mère. Ouais, ton oncle aurait pas aimé ça, l'épicerie. Puis je suis commis au Mondou. Fait que pour les gens qui veulent me harceler dans la vie courante, venez. Comment ça coûte une cage d'achat? Hein? Comment ça coûte une cage d'achat? Est-ce que je fais mon magasin, je prends une cage d'achat? Ben voyons donc. Ouais. En ce moment, il y en a des spéciales à 15$. Hein? Mais. J'ai changé ma vie. Donc, ils ont sorti des calendriers de l'Avent pour les chiens. Oui! Hey, mon chien avait ça l'année passée. Oui. Puis il a pas aimé la moitié de ce qu'il y avait dedans. Mais... Ah bon. Mais là, on les donne gratis. Fait que vous avez à passer, acheter une affaire, demander un calendrier de l'Avent. Puis on j'espère qu'on est rendu plus qu'à moitié. Ouais. C'est pour ça. Si ton chien chiale sur du gratuit, là, ton chien est ingrat. Si on y va bref pour les autres trucs, c'est bon, d'investir dans des bougies avec des odeurs. Et oui, investir, moi ce mot-là, je le trouve fort. C'est ça que tu vas prévoir dans ton budget. Acheter des chandelles. Tu vas t'acheter des chandelles. Là. Ça va durer assez longtemps pour que tu aies investi ton argent. Sinon, pour toi. Tu peux s'accoupler puis faire d'autres chandelles. Oui. Ouais. Pour toi, Mathieu, un premier pas, ça pourrait être de changer le fond d'écran de ton ordinateur. Ton écran de Noël. Se réserver des soirées films, ça, c'est un classique. Commencer à décorer son chez soi, participer à la journée internationale du pull de Noël, je pense le que c'est le 11 décembre. Je confirme que c'est le 11. Eh ben oui. Elle n'a pas menti, déjà ça aurait mal commencé. Ouvrir son calendrier de l'Avent, une cure de thé, se groinfer de chocolat et décorer son sapin. J'ai mangé comme 8 Ferrero Rocher hier soir. L'esprit de Noël devrait être. Ça devrait être en moi. Ouais, c'est une petite partie de Noël. T'aurais dû être saupoudré de poudre de Noël. J'ai des Christmas balls. Tailleur, elle aime ça. Ensuite. Le nombre de niaiseries que tu peux dire dans une émission, c'est assez surprenant. Ben, c'est pour ça que je suis là, tu sais. Ouais. Je servirais à quoi sinon? Hein? Ouais. J'ai pas de grincheux, mais. Ben, si t'es grincheux, le prochain lien de ma page peut être fait pour toi. En fait, c'est un vidéo amateur fait par je sais pas qui prend le terme esprit de Noël dans le sens que si Noël était un esprit, vilain, fantomatique. Puis c'est pas très bien fait, mais les gags sont super drôles. J'imagine si c'était un sketch SNL avec le budget de Saturday Night Live, par exemple, ça serait super drôle. Par exemple, on voit, vous irez le voir là, sur Internet, il y a la guirlande étrangle, une guirlande de Noël étrangle un jeune homme, puis à un moment donné, la fille, elle ouvre le placard, et puis le gars tombe. Mon Dieu. En forme de cadavre, mais tu sais, il est entouré de lumière de Noël puis de guirlandes. Là, c'est, Mais c'est comme le nouveau film de Noël là, qui va sortir, mais c'est un film d'horreur. Oui. Ah, oui. Mais ça, ça a l'air beaucoup oui, c'est plus très, mal fait. C'est très, très amateur. Là, la voix est caverneuse puis tout ça, mais vous l'écouterez jusqu'à la fin, là, on voit bien que ça... On dirait un projet d'école qui a mal viré. Je pense que c'est un projet d'école. Sinon, ils s'ennuient pas mal dans leur coin de pays. Ouais, il y avait l'air d'avoir des beaux plans de caméra. Faisait des beaux plans. Mais oui, peut-être qu'il étudiait là-dedans. Ça se peut très bien. Ah. Il y avait des beaux plans. Des beaux plans. 1 à 10, avais-tu d'autres liens que tu voulais partager? Parce que moi, j'aurais de... Moi, je suis rendu à 5 à 10. 5 à 10. Fait que 5 à 10 aussi. On rappelle à nos auditeurs public cible qu'on pose la question « Comment attraper l'esprit de Noël? » Oui. Voilà, pour ceux qui sont perdus dans le temps. Puis dans mon prochain lien, je vous propose, ben en fait, c'est, je vous propose pas, c'est des gens qui ont peut-être pas attrapé l'esprit de Noël, mais un esturgeon de 880 livres. Ah! Ben oui. Google nous propose, on pose des questions à Google nous répond. Alors voilà, alors c'est un lien, Google m'a envoyé vers un lien. Et à noter que c'est canoë.ca/Noël/info/insolite. Slash archive. Il y a une catégorie Noël sur canoë.ca. Oui, dans laquelle on peut trouver un esturgeon de 880 livres. C'est dans la catégorie Noël, par contre, l'article a été fait comme en juin. OK. Oui, parce que c'est la fête des pères, en fait. C'est pendant la fête des pères qu'on trouvait ça. Fait que je suppose qu'ils ont juste gardé le mot attrapé dans ma recherche Google. Sûrement. Oui, fort probablement. C'est super. Ça. Comment vous avez fait pour départager qui allait prendre quel lien? Vous êtes consulté? C'est le hasard. Hasard des choses. Ouais, okay, c'est nos goûts personnels, oui. Et il n'y a pas de doublon. L'intérêt de ça, c'est de voir justement est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort pour les deux ou est-ce que chacun, on va avoir nos liens. À date, ça se confirme que finalement, ben, le monde qui essaie de se retrouver par page, ben, vous êtes mieux d'aller dans le PDF parce que vous allez avoir des résultats vraiment pas similaires. Ils sont sur la page Facebook de l'émission d'aujourd'hui, ceux qui cherchent, qui veulent les écouter en direct à un moment donné. Là. Donc, c'est les notes du 16 décembre d'Assemblage Requis. Les deux liens sont là. Puis maintenant, on peut se poser la question de pourquoi moi, j'ai trouvé un esturgeon dans ma recherche de... Pourquoi? Ben, en parlant d'esturgeon... Non, c'est... Je viens tellement de voir le prochain nom. Non, pour vrai, assez bleu. En fait, en parlant d'esturgeon, il y a Kim Kardashian qui ne pourra pas fêter Noël comme elle le veut cette année parce que M. Kanye West la force à passer Noël sans sa famille. Oh non! Parce que sa belle famille lui tape un peu trop sur les nerfs. On sait qu'ils sont assez excentriques. C'est comprenable. Ouais, c'est ça. Donc, Kanye qui refuse que sa douce aille dans sa famille à Noël. C'est triste, là. Moi, être avec un homme comme ça, ça ne durerait pas. Ouais, non, hein, ça serait fini. Moi, j'ai trouvé plein de photos, en plus, de la famille Kardashian qui prenait des photos d'eux pour Noël. Pour Noël, oui, oui c'est vrai. C'est ça qu'ils envoyaient. Tu sais, j'en avais plein. Fait que... Puis à voir les photos, ben... En tout cas. Lui, Fred, va prendre la place avec Kanye West dans la famille. Oui, c'est ça. Mais Kanye West, j'ai pas trouvé de photos de famille de Noël. Oh. Fait que j'ai cherché. Moi, je pense que ça lui rappelle des mauvais souvenirs à Kanye West. Ça, ouais. Ça, là, c'est pour ça. C'est un homme blessé. Ouais. Moi, j'ai déjà plus de liens de 5 à 10. Je serais déjà 10 ouais, à 20, mais... Hey, sinon, on peut... Ben, vous les remplacer par des jeux de mots poches. Comme, mettons, Kanye West, s'il veut se mettre dans l'esprit des fêtes, il faudrait qu'il achète des Kanye de Noël. Kanye de Noël. Puis quand il va se présenter à la présidence américaine, comme il a dit qu'il allait faire en 2020, leur slogan, ça va être « On va à Kanye. » C'est tout ce que j'avais à dire. Hey, mais son mais en anglais, c'est un peu en moins. En anglais, on va le cogner. Un peu moins, hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Je suis ton plus grand fan. Ah, t'es fin. Mais je vais aller avec mon dernier lien des pages 5 à 10 dans ce cas-là, qui est en fait régime maigrir. Ah? Noël, comment éviter de grossir après le 24 et le 25 décembre? C'est vraiment pour en tout cas si on en croit l'article, c'est super important de rester mince. T'sais, pour être heureux. Donc on a il nous explique pourquoi c'est facile de prendre 2 ou 3 kilos pendant Noël, des conseils pour éviter de grossir et tout ça. Pour vrai, mangez à votre faim là. Ça s'annonce tellement un Noël plate. Mais, c'est ça. Il y a des trucs comme, par exemple, manger un peu avant d'aller à la fête, mais okay. pour avoir déjà une espèce de petit de fond, là, puis pas sauter dans les chips, manger quelque chose de plus sain, comme des carottes de Noël avant d'aller au réveillon pour se goinfrer, mais en même temps c'est plate parce que t'as moins d'espace pour la dinde puis les choux à la crème puis tout ça. Les choux à la crème, ah ça c'est les affaires avec la crème glacée dedans ou? Ben ouais ça ouais. c'est des profiteroles, mais les choux à la crème c'est comme une pâte, là t'as de la crème dans la pâte, puis là moi ma grand-mère elle fait une montagne avec ça. Ouais, fait que moi je mange pas de carottes avant d'aller au réveillon. Les carottes non ouais. Ben, fuck pas de carotte, ça peut être piquant un peu. Hein? Comment? Wow. Comment? Oh, 10 à 20. donc, comment attraper l'esprit de Noël? Moi, je tombais dans les insolites. Alors, des cartes de vœux. Je pense que c'est là-dessus, justement, que j'ai trouvé les familles Kardashian. C'est des cartes de vœux insolites des stars. Fait que vous allez en reconnaître plusieurs. Alors, des cartes de vœux étranges. Tantôt drôles, tantôt laides. Ben oui, c'est ça, les deux premières, c'est la famille Kardashian. Oui, voilà. Hein? C'est là que j'ai... Hein? Ça vous donne-tu le goût? Bon. Miley Cyrus qui se montre les titres. Oui, il y a une de mes préférées. Magnifique. Mais tout ça, oui, de star, mais clairement photoshopé. Oui, clairement. Une de... Ma préférée, je pense, c'était celle avec... James Franco et Seth Rogen. Exactement. Oh, c'est vraiment charmant. Clairement la meilleure. Mais elle, c'est clairement pas photoshopé. Les deux gars sont nus avec un bon Noël entre les jambes. Ils sont sur les cuisses d'un Père Noël qui a l'air beaucoup trop heureux. Mm-hmm. Ouais, le Père Noël a l'air d'enjoy son moment. Il enjoy son moment. Et voilà. Voilà. Clairement, si on est l'ami d'un de ces deux gars-là, on doit avoir des méchants parties. C'est sûr. Et beaucoup de drogue. En parlant du Père Noël, probablement que vous savez pourquoi il est vêtu de blanc et de rouge. C'est à cause de Coke, non? Non, hein. J'aurais tendance à dire ça, Coca-Cola. Ben, c'est ce que je pensais, moi aussi. Mais en fait, le prochain lien va vous montrer que c'est peut-être un petit peu exagéré de dire que c'est à cause de Coca-Cola. En fait, ce que le blogueur reproche, c'est que du jour au lendemain, c'est comme si du jour au lendemain, le Père Noël était devenu rouge et blanc à cause de Coca-Cola. Mais en fait, il y avait d'autres occurrences de Père Noël rouge et blanc. Coca-Cola l'a repris dans sa publicité. Et c'est ça, c'est le dernier, celui qui a eu le plus d'impact. Mais avant ça, on a utilisé un Père Noël rouge et blanc dans les pubs de dentifrice, par exemple. Okay. Colgate l'avait utilisé aussi. Parce qu'avant, le Père Noël était soit bleu en Russie ou vert dans les représentations. Ah, ouais. C'est vrai, je me souviens de ça. Mm-hmm. Wow. Mais ce qui est intéressant, c'est que les ours polaires sont blancs à cause de Coca-Cola. C'est pas ça? Oui. Ben oui. On est con, ça. Ben oui. Tu sais, quand il glisse, là. Puis... Avoir 10 ans, je te croirais. Ah! Fred a clairement l'esprit de Noël, ce matin. J'en fais deux rapides pour te laisser ensuite parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. J'ai mis des liens pour. Un qui dit que les. En Russie. Pouvez-vous me confirmer un qui ouvre le lien? C'est celui sur les selfies. Ah bon, d'accord. Oui, exactement. Des fois, t'en sautes, on sait jamais ça. Fait que dans le fond, c'est. Il me semble que c'est la Russie qui. Lors de la connexion à la base de données. Erreur lors de la connexion à la base de données. Ah bon, Colin, maman a rangé tout seul. Tabarnouche. D'après moi, t'as fait tomber le site parce qu'on a mis ça sur assemblage.com. Oui, c'est ça. Les gens se sont agglutinés là-dessus. Voilà. Ça a fait planter le serveur. Surtout que c'est sur le site mariefrance.fr. Oui. Je pense que j'ai peut-être mal copié le lien. Georges, je rechercherai. Bref, c'était un endroit, il me semble que c'était en Russie, qui voulait pas interdire, mais faire de la sensibilisation chez les jeunes à ne pas faire de selfies parce que ça propage les poux. Quand on fait un selfie, on se colle la tête, puis ça propage les... Tout cela est très vrai. Je travaillais dans les écoles primaires avant, puis c'était la consigne. Ah, pour vrai? Pour vrai? Non, c'était... juste en Russie, quand... c'est ça? Oui. En fait, on arrivait, je travaillais pour une compagnie d'animation, on allait dans les écoles faire des activités, puis souvent, les professeurs, ils prenaient des photos avec des iPads, tout ça, pour se souvenir de la journée, puis la règle d'or, c'était pas de selfie, pas coller, puis tout ça. Collez-vous pas, là, les amis! Collez-vous pas, les amis! Exactement. Ça fait une photo, genre, tout le monde a un bras d'espace de chaque bras. La classique photo où le gars embrasse une fille avec son bras, tu sais, mais genre touche pas à son épaule. C'est ça. Parce qu'il est inconfortable de toucher une fille. Je veux pas de poux. L'autre lien rapide qui est juste en dessous, C'est sur les traditions de Noël. Puis, oui, finalement, je suis content, je l'ai mis, ce que je vous parlais, qui était sur les cadeaux, qui était sur l'abondance et sur d'où... Tu surprends toi-même, finalement. Je me surprends moi-même. C'est pour ça, moi, j'aime ça. À Noël, je m'envoie des cadeaux à moi-même. Je me fais des surprises. Je me rappelle même pas ce que j'ai fait. Mais dans le fond, alors, c'est vraiment un site qui explique d'où viennent ces traditions-là. Alors, la fameuse bûche de Noël, le fait de se donner des cadeaux et le fait de décorer un arbre. Ben, c'est le fun, sur le site scienceetavenir.fr, puis il y a une faute dans la légende de photos, fait qu'ils ont l'air crédible. Ah! C'est le fun. Entre. Ouais. Ah, t'as un film de Noël préféré? Ah, littéralement, chaque chroniqueur nous pose cette question-là, puis à chaque fois, ma réponse, c'est « Non, j'en ai pas, j'écoute pas de film. » C'est vrai. Je suis plate demain. Moi, oui. C'est lequel? C'est A Smoky Mountain Christmas. Avec c'est Dolly Parton. Ouais, oh, ouais. Ouais. C'est un téléfilm, même pas un vrai ouais, film. C'est même pas un vrai film, c'est un téléfilm, ouais. Moi, donc, un très long film. Ben les non, c'est juste que ça paraît que ça a été tourné dans un studio. OK. Mais t'as quand même un choix assez précis, mais je sais que la plupart des gens, leur film préféré de Noël, c'est « Maman, j'ai raté l'avion ». Ouais. En fait, j'ai retrouvé un top 10 des bizarreries qu'il y a dans « Maman, j'ai raté l'avion », dont la plus populaire, « Comment on peut oublier son enfant ». Ouais, non, c'est deux ça. Deux ans de suite, d'ailleurs. Oui, donc, pour faire une suite, c'est ça, oui, pour qu'il c'est l'ait ça. Oublié une deuxième fois. Puis il relève vraiment des particularités du film qui sont un peu étranges, comme pourquoi avoir appelé le fils aîné Buzz. Clairement, pauvre, c'est explicable. C'est ça, pauvre enfant. T'sais, pourquoi l'oncle vit avec eux à la maison? Ouais. Ben, vu le nombre de cheveux qu'il a sur la tête, c'est-à-dire très peu, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de blonde. Forte possibilité. Puis aussi, une question que j'ai trouvée vraiment particulière, ça m'avait jamais frappé quand j'avais écouté le film, comment ça se fait que dans cette maison-là, il y a autant de mannequins? Parce qu'ils utilisent beaucoup des mannequins en de place, magasins, c'est vrai. Ouais. Oui, de magasins pour faire comme pour prendre les méchants qui viennent... commettre des méfaits là, dans la maison où ils se trouvent, puis comment ça se fait qu'il y a des mannequins comme ça dans cette maison-là? Donc, vous irez lire ça, ceux qui aiment « Maman, j'ai raté l'avion », les 10 bizarreries qu'il y a dans le film. Moi, dans le fond, j'étais rendu de 20 à 30, fait que j'étais déjà en train de regarder mon prochain lien de 20 à 30, je sais pas si t'en avais dans les 3 derniers. Moi, les 20 à 30 sont, ouais. sont plus dull un peu. Fait que, ben moi, 20 à 30, alors... il nous reste quoi, 5 minutes? Ah, vas-y, avec le temps qu'il faut. 5 minutes. Donc, 20 à 30, connaissez-vous le pharmachien? Oui, le pharmachien. Le dessinateur, vulgarisateur de tout oui. ce qui est science et médecine. J'en avais beaucoup entendu parler à la radio, justement, mais je n'avais jamais tombé sur son site Internet. Et là, Google m'a proposé un site sur, justement, une maladie qu'on peut attraper durant le temps des fêtes. C'est vrai, hein, on la pogne tout le temps durant le temps des fêtes. La gastro. Oh, oui. Hein? Alors, quand tu peux pas manger tous les magnifiques plats qu'il y a sur une grande table parce que t'as la gastro et que personne veut t'en coller. En même temps, t'évites les bisous de grand-maman. Mais ma grand-mère écoute pas la radio, fait que c'est correct. donc, c'est un site, je vous propose le pharmacien. Tout le site est vraiment intéressant. C'est vraiment très drôle. C'est vraiment intéressant de voir. C'est de la vulgarisation tout au niveau de... C'est un vrai pharmacien. Aussi, il faut savoir. Le pharmacien a une formation de pharmacien, va travailler comme pharmacien. Mm-hmm. Cool. Mais je vais continuer sur un lien assez positif. Mais je vais rentrer aussi dans les 20 et 30. Souvent, on reproche à la fête de Noël là, d'être, comme on l'a dit, là, une fête de consommation avec des symboles qui veulent rien dire. C'est la guirlande, le sapin, bon... c'est tout ça, mais ça devrait être la générosité puis tout ça, ou à la base, c'est une fête religieuse. Mais il y a un article assez intéressant qui dit que Noël, même si c'est une fête de la consommation, est aussi un vecteur d'intégration pour les immigrants dans ce volet de consommation et de symboles. Oui. Parce que c'est pas les religions qui nous unissent tous en tant que citoyens. C'est peut-être ces symboles-là, justement, de regroupement, de solidarité, de... Tu sais, on a des témoignages, par exemple, d'une musulmane qui tient à faire son sapin. Mmh. C'est une Française, puis elle veut faire son sapin. Elle trouve que c'est une belle fête, que c'est positif. Fait que même si elle rejette le sens religieux de la fête de Noël, elle trouve que le volet un peu plus païen, là, j'utilise des gros guillemets, là, on les voit pas, hein, t'as la radio, mais je l'ai fait à côté de ma tête. Caméra 3. Si tu fais vraiment fort, ils vont paraître. Oui, c'est ça, on va sentir le vent de mes guillemets dans le micro. Mais c'est ça, c'est ce volet-là qui permet de s'intégrer. À la société nord-américaine pour des gens peut-être qui viennent d'arriver. Voilà. Surtout cet argument-là, et je le répète, de dire, par exemple, que le sapin de Noël est une représentation religieuse de c'est la fête, vrai. C'est complètement faux. C'était considéré païen par, justement, pour reprendre tes mots, mais là, je ne fais pas de guillemets. Ah, oh, oh. C'était considéré comme un rythme païen par l'Église. justement. Alors, quand c'est arrivé, beaucoup en Europe, cette tradition-là, même l'Église considérait que a rejeté ça au début, mais les gens le gardaient un peu une manière, finalement, de décorer, si on veut, un sapin en laissant... vous savez, la couronne de fleurs qu'ils mettaient sur leur porte, ben, c'était pour un peu remplacer le sapin. Il doit peut-être avoir d'autres liens avec ça, mais il y avait entre autres ça qu'ils laissaient pendant le temps des fêtes. Non, ça vient de la romantique, alors que le sapin, alors, ça n'a pas lieu d'être. Je suis fâché. Ouais, ils sont tous des sapins. Ouais. Moi, j'avais pas d'autres liens. Je sais pas si tu avais un autre lien intéressant. Je te laisserai terminer. Ben, oui, je vais terminer avec le dernier lien. En fait, c'est le top 10 des endroits où cacher votre argent dans votre maison. Mmh. Et la réponse n'est pas à la banque. C'est bien une des réponses qu'ils vous proposent. C'est dans vos décorations de Noël. Parce que les voleurs n'iront pas chercher dans ce fouillis-là. Clairement. Par exemple, vous avez une boîte là, que c'est écrit « boule de Noël ». Un voleur n'ira pas fouiller dans les boules de Noël. Wow. C'est trop compliqué. C'est fort. Il reste de casser et de laisser des traces. Donc, quand vous allez défaire votre sapin, glissez des petits billets de 20$ dans votre boîte. Hey, je suis tellement d'accord, surtout sur ma mère. Ah, oh, Boswell. C'est compliqué de s'y retrouver. Mais il faut tout le temps rajouter sur le dessus une petite couche de guirlande. Là, pour oui, c'est ça, pour vraiment les décourager. Ouais, c'est ça. Pour masquer. Pour que ça fait que, ouais. Ouais. Ou, ouais, que ça soit piquant. Ou genre, c'est ça. Ma collection de cactus. Ou tu sais, les espèces de glaçons. Serpent. Tu marques serpent dessus, c'est très drôle. Ou il y a aussi les espèces de glaçons qu'on mettait un peu plus dans les années 90. Là, ça colle aux vêtements. Mais mettez ça, les voleurs vont en avoir partout sur eux. Puis vous allez être sûr de pouvoir garder votre argent. Puis comme ça, si les voisins les pognent, ils vont pouvoir appeler la police. Puis, ils sont couverts de guirlandes. Exactement. Ils reviennent, sont pris. Ils sont faciles à trouver, ça. C'est sûr. Ouais. Ça, je vois quelqu'un s'enfuir avec plein de boules de Noël accrochées sur lui, plein de guirlandes. C'est un excellent gag, ouais. On vient de faire un vol. Ça fait genre Christmas Vacation. Oui, clairement. C'est quoi déjà? On devrait faire des un boules. Film. Ouais. Oui. Ouais. Chevy Chase. Ah, hein? Oui. Chevy. Chevy! Hey, je suis ravi de cette chronique. Est-ce que tu as maintenant l'esprit de Noël? Non. Mais, on a raté notre tâche. Non. Je sais pas. Je m'excuse. J'aimerais ça, mais non. Tu tiens peut-être une chronique personnelle, comment donner l'esprit de Noël à Mathieu, mais sur le tout le long d'une année. Toute l'année, on essaye de donner. C'est bon ça. Un décompte de Noël. Ah ouais. Oh, à l'année longue. Puis quand tu passes Noël, tu recommences. Ah donc on a posé la question à Google, comment attraper l'esprit de Noël. C'était dans Google Globe. On te remercie Frédéric Bernard. Oui. Qu'on va retrouver en janvier. Oui, moi je serai de retour, c'est certain. Absolument. Et Cathy F. Côté, future chroniqueuse régulière, mais pour l'instant remplaçante. toi aussi. Pas trop de pression. À l'hiver. Exactement. Voilà, on est toujours bien ouvert à ça. J'ai peut-être pas l'esprit de Noël, mais j'ai l'esprit de trouver des chroniqueurs. Même en onde. Même en onde, c'est ça. Donc Google Globe, les mercredis matin à 8h30, 45, 50, 55, dépendant. Oui. Ben, écoutez, le vendredi, des fois, je passe... Parfois, je passe dans les meilleurs moments de C'est fou. C'est plus facile, plus fixe. Il y a un montage qui... C'est le fun que tu dises toi-même que t'es dans les meilleurs moments. Ça vient... Mais tout le monde, tous les chroniqueurs passent dans les meilleurs moments. Sauf quand tu prends les chroniques d'une heure et quart. Oui. Ça dépend. Mais tous les chroniqueurs passent au moins. Fait que si vous y allez, vous avez peut-être une chance de m'attraper. Passe. C'est ça. Exactement. C'est une sélection qui est faite. L'émission est en balado-diffusion sur assemblagerequis.com et les meilleurs moments de Cifou sont sur cifou.ca. Donc, pas mal de façons de vous retrouver dans ces chroniques-là. Sinon, venez le lundi soir à la lutte quand ça va recommencer puis je vous refais la chronique en live. En live. commence la deuxième semaine de janvier. Oui. Voilà. Puis, Cathy, c'est long, là, accepte ma demande d'amitié sur Facebook. Là, OK. Oui, j'y vais. J'ai fermé mon ordinateur puis j'ai donné un peu de temps. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cifou.ca. Replongeons dans le dîner de con. Un certain midi cette semaine. Eh bien, mon ami Christian Laflamme est là, mais d'abord, avant d'aller lui parler, on va aller écouter une de ses pièces de son nouveau petit projet ici. Je vous nomme rien, on va aller en parler tantôt. La pièce s'appelle Dragon Tears. On écoute ça tout de suite dans le dîner de con, puis on revient avec Christian. Dragon Tears du projet New Patch New Jazz Patchwork ou Mosey? C'est le projet, c'est Mosey. Le projet, ben oui, c'est, je l'ai appelé Mosey. C'est lui qui, si tu veux, qui patente le truc, qui invite les gens et qui organise. C'est ton projet, finalement. C'est mon ton projet, projet, dans ça. Le fond. Mais c'est ça, tu sais, ça diffère beaucoup parce que, bon, j'avais un invité pour l'ensemble de l'œuvre. Oui. C'est comparé à plusieurs projets qu'on peut faire où est-ce qu'on a plusieurs invités, admettons. Oui. Ça, c'est vraiment une collaboration tout le temps avec le même. Oui, c'est et ça. Et on le nomme? François Boutin. Ben oui, François Boutin. À trompette. Oui. Et puis, c'est ça, il m'a donné la permission de morpher sa trompette aussi, puis de la synthétiser. De la... Ben justement, je veux en venir à ça. Qu'est-ce qui a été le départ de cette idée de partir un projet plutôt assez jazz comme ça? Ça a été premièrement une chanson... La première chanson qui a été faite sur le truc, il y a eu une longue séquence après cette première chanson-là de quelques mois, tu sais, de dire, ben, OK, je pense que j'aime assez ça pour continuer quelques oui. chansons, puis essayer de faire un projet complet avec un artiste invité seulement, tu sais. Et puis, le concept s'est dessiné totalement alentour de François. À partir de sessions qu'on faisait, lui, il partait sa route, il ouais. s'en allait, puis il me laissait des tracks. Oui. Et puis quand il revenait, bon, il checkait le travail. Qu'est-ce que t'avais... Mais toi, qu'est-ce que tu y faisais jouer avant? Tu y faisais-tu jouer une trame, un fond ou une base, ou t'es vraiment parti à partir de ces tracks? C'est-à-dire que à chaque fois que François venait, oui. il faisait une track à partir d'une base. D'un squelette que t'avais d'un fait. D'un squelette. De OK. Truc. Ce qui a été plaisant avec le projet, c'est que j'ai changé les tracks de place. Autrement dit, j'ai pris les tracks puis je les ai mis dans un autre format. OK. Qu'est-ce que lui avait entendu au début? Qu'est-ce que lui avait entendu au début? Fait que c'était bien le fun de voir ses réactions par rapport à track qui avait tapé, qui n'était pas dans ce format-là. T'sais. OK. Mais c'est complètement magique qu'est-ce qui est arrivé dans la situation. Où est-ce que, bon, ça s'est avéré assez efficace pour le développement de ce projet-là. En tout ah, cas, tout à fait homogène. Ça marche, ça marche. Bien. Puis l'inspiration, pourquoi Mosey, c'est quoi? Je ne sais pas pourquoi. Ben non, mais c'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi. Okay. Je trouvais ça sonnait bien. Parfait. Bon, c'est un bon clin d'œil aussi. Tu sais, je trouvais que ça reste approche de la musique. Et puis, mm-hmm, tout à fait. Je me suis pas trop posé de questions. Ben, c'est ce que ça a l'air aussi, que tu as l'air de t'avoir amusé avec ce projet-là. Surtout. Puis, comme je te dis, quand tu as quelqu'un de calibre comme ben. François qui donne sa bénédiction, qui dit « Regarde, tu fais qu'est-ce que tu veux avec les tracks. » C'est extrêmement intéressant parce que là, tu sais que tu choqueras pas l'artiste ou quoi que ce soit. C'est rare, ça. Oui, oui. Parce que on a travaillé ensemble, oui. travaillé avec François. François est comme ça, mais à cette heure, moi, je suis habitué de voir des artistes comme ça, mais ils sont durs à trouver, ceux qui sont comme François. Ah, non, c'est extrêmement... Il n'y en a pas beaucoup des François Boutin. Ben, je pense que c'est une question de confiance tout aussi. Tout à fait. Il nous connaît aussi ouais. depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps. Fait que ça donne la possibilité à une personne de te connaître dans le fond. Oui, c'est que tu feras pas de la merde avec ça. Ben, non, mais tu t'en iras pas dans des endroits où ce que lui irait jamais. C'est ça, c'est ça. Mm-hmm. Puis avec cette formule-là, ben, j'ai pu faire une chanson, Million Dreams, là-dessus. C'est pratiquement fait. C'est toutes des trompettes. Il n'y a okay. pas vraiment de synth là-dedans. Okay. C'est toutes des trompettes morphées. Fait que, tu sais, ça donne la possibilité de chercher d'autres choses, d'avoir une autre source qui est ta propre source. C'est tes tracks, c'est ta piscine à toi. Il n'y mm-hmm. a personne qui est dans ce range de son-là. Fait que c'est à ça que je trouve qui est stimulant dans ce petit projet-là. Sur combien de temps ça t'a fait ça, Christian? Ça, j'ai commencé pour dire ça a pris à peu près 3 mois. OK. Puis il y avait une toune qui avait été faite 2 mois avant là-dessus. Celle qui t'avait fait c'est ça, partir le projet. Celle qui dit, bon, OK, je continue dessus dans cette bague-là, j'aime mm-hmm. ça, bon, parce qu'après ça, tu réécoutes, puis bon, t'aimes encore ça, donc c'est un autre ça bonne piste. Ça doit être pas si ouais. Puis là, le but aussi, c'était de s'amuser à quelque part, là, tu sais, c'est c'est un projet ouvert, tu sais, mm-hmm. comme... C'est un projet de studio. Oui, oui, tu sais, c'est un projet complètement ouvert, là. Il y avait aucune limite pour de dire, OK, j'ai après ça, j'ai à faire ça live ou quoi que ce soit. Non, non, c'est ça. Non, non, regarde, François, il est toujours sur la route, il est rendu tout le temps, des mille et des mille de mois. Oui, puis de toute façon, comme tu dis, t'as pris une trompette d'un, t'as pris une trompette de l'autre pour en faire une nouvelle tune. C'est ça, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce que ça impliquerait pour le créer live? Je veux dire, écoute, je comprends tellement ce que tu veux dire. C'est même pas ça, le but. Le but, c'est de s'amuser, puis ouais, c'est la passion pour la musique. Là. Surtout, tu sais, je veux dire, mettre sur bande, qu'est-ce que t'entends, où est-ce que tu veux C'est aller, créer où... pour créer, ben oui, quand même. C'est quand même, pour la musique, tu sais, faire de quoi mm-hmm. pour la musique, et puis... Je suis très, très content de la présenter. Il y a Louis Gagnon aussi qui est venu faire une guitare sur une des chansons. Il y a Dôme Laroche qui est venu faire tracks de basse. Pierre Héroux est venu faire une guitare aussi. Il m'a aidé aussi beaucoup pour ma prise de son de drum. Toi, t'es venu faire des filtres sur une de mes tunes aussi. J'ai toujours mon sponsor Moper qui était avec moi pour oui. les percus, même si les percus sont très très discrètes, mixées très très minutieusement, c'est pas dans ta face, tu sais. Non, c'est ça. Il y a Samuel Blain, un docteur complètement fou, qui a sponsoré aussi une partie du travail. Okay. Tu sais, je dirais, écoute, c'est super le fun, là, tu sais, quand t'as plein de monde, de même, qui viennent puis qui mettent du leur dans ton truc. J'ai cru entendre aussi, t'as quelques de tes instruments inventés là-dedans. Hein? Ouais, ouais. Parce que j'ai cru reconnaître quelques sonorités que j'ai déjà entendues chez vous. Ouais. Ben, c'est pas des instruments, là, c'est plus, comme je te dis, des objets qui font... Des percussions qui font des bruits. Qui font des bruits ou des sons ou des trucs. De même. C'est un peu noir, où je l'admets, mais c'est ça. C'est un petit concept de 20 minutes. Bon, je pense que je pouvais me permettre que ça reste quand même assez noir, assez dark. Ben, de toute façon, on t'a vu, Christian, dans plein de trucs. Tu sais, les Bubbies, on t'a vu dans les Gorilles aux mains rouges. T'en as fait des trucs en masse lumineux, puis aller te produire, tu peux, il n'y a pas de problème là. Mm-hmm. J'étais très, très content de voir que tu t'en es dans un projet de même. Sérieux, quand j'ai entendu ça, vraiment très content. Puis je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a inspiré sur tes titres? J'aime bien tes titres de pièces. Si j'en nomme un, quelques-uns comme ça, Dragon Tears, A Million Dreams, The Atlantis Jazzman, ça fait très très, je l'aime ce titre-là, puis j'aime la toune, elle est vraiment bonne. The Snake Dance ou Zillion Tears, d'où ça vient tes inspirations, track? C'est surtout des sons, hein, quand même. Okay. Qui t'a inspiré au titre? Oui, oui, oui, souvent. Je suis très très visuel en tant qu'artiste. Mm-hmm. Autant que le son va me toucher, il faut que je lis en même temps quelque chose qui va vraiment connecter, je sais pas pourquoi, mais qui va connecter le son. Mm-hmm. Puis je me disais, bon, si je réussis à aligner le bon mot avec le son, peut-être que je vais avoir un impact plus favorable. Mm-hmm. Tu sais? Et puis c'est dans cette optique-là... aussi simple que ça que j'ai développé. Puis les titres t'ont venu après la production de la toune, puis ça te disait, ça me fait penser à ça, ou t'avais déjà une idée? Parce que moi, des fois, je compose une toune, puis j'ai un titre avant même d'avoir... Non, j'ai pas eu le titre avant. Okay. Non, j'ai pas eu le titre avant. J'ai eu le titre pendant, très souvent. Ou après, j'ai corrigé la construction ou des trucs comme ça, mais jamais avant, non, jamais. Okay. C'est parfait, c'est ça, mais c'est Jean-Paul. Puis tantôt, tu disais, on t'a pas fait ça justement pour aller faire des tournées avec cet album-là ou quoi que ce soit, c'est un projet de studio. Est-ce que tu vas continuer à en faire dans cette optique-là, des trucs? Oui, c'est certain, j'adore ça. Mais quand je dis ça, j'ai pas fait ça dans cette optique-là, c'est parce que je sais le prix que ça coûte pour mettre quelque chose sur la route. Je sais. Mais c'est sûr que... Tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver mm-hmm. dans la vie, tu sais, je veux dire, il peut arriver n'importe quoi. Toute occasion de jouer est bonne. Tu restes ouvert à ça, là. Sauf que ce projet-là m'oblige, si je veux faire ça live, à avoir des musiciens, mm-hmm. un bon calibre de musiciens. Comme je disais, je pourrais même pas avoir François. Je serais extrêmement mal à l'aise, tu comprends-tu? Ah oui. Je serais même... Déchiré. Ah ouais, ouais, ouais. De pas pouvoir avoir François, les services de François. Écoute, je connais chaque souffle de mm-hmm. trompette de cet album-là, là, tu comprends-tu? Ah oui, tout à fait. de pas l'avoir avec moi pour ça, ça serait vraiment déplorable. T'sais. Mais bon, je dis ça là maintenant, puis qu'est-ce qui peut arriver? On sait jamais. Je sais ça, on sait jamais. Je reste pas fermé, ben non, mais autrement dit. Je m'en doute bien, là. Puis tout ce que j'espère, c'est pouvoir continuer à taper avec François, puis à continuer à développer là, le concept. Je trouve ça simple, taper avec François. Il arrive chez nous. C'est une rencontre. Ouais, on parle 15 minutes des dernières anecdotes qu'il y a eu sur la route. Mm-hmm. Et puis, boum, après ça, je lui fais jouer le segment. 20 minutes après, c'est fini. Là, ouais. ou 45 minutes après, c'est fini. Puis, boum, il repart. Puis, moi, j'ai tout ce petit trésor-là. Tu vois ça, puis là, ça se modifie jusqu'à lui, il entend le nouveau résultat complet. C'est ça. C'est très, très, très, très spécial, mais en même temps, bien le fun. T'sais. Vraiment très le fun, puis c'est assez le fun qu'on va aller en écouter une autre pièce. OK. On va aller écouter Zillion Tears, mais avant, comment qu'on fait pour aller écouter ta musique? Oui, vous pouvez trouver ça sur Bandcamp. Oui. Il y a un free streaming, comme ils disent. Et puis, vous pouvez l'acheter aussi. Donc, sur, c'est ça, l'écoute est complètement gratuite, oui, là, à 100%. À 100%. Génial. Puis, on peut l'acheter, bien entendu. Bien entendu. Génial. Donc, on va aller écouter la pièce Zillion Tears du EP. On pourrait dire que c'est un EP, New Jazz Patchwork, du projet de Christian Laflamme, Mozy. Alors, si vous voulez plus d'informations, au pire, si vous le cherchez, vous me le demanderez. Si vous ne vous en rappelez plus, puis ça va me faire plaisir de vous rediriger. Merci beaucoup. Merci, Christian. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. C'est la chronique du clip de la guitare. Bonjour Catherine Langlois. Ça va bien? Ben oui. Toi? Ben absolument que ça va bien. Bon. Toujours heureux de t'avoir aux deux semaines. Tu as réussi à résoudre ton problème là, de ce matin, de réussir à faire ta chronique sur un ordinateur qui a l'air de mal aller. Hein. Oui, c'est ça. Non, j'étais pas en retard là, à la chronique. C'est pas pour ça qu'on a entendu de belles chansons de Noël. Là. Non, non, mon non, ordinateur non. avait quelques difficultés à ouvrir. Mais le v'là arrivé, le v'là parfaitement dans les temps, en fait, pour pouvoir parler de Noël. Ben, le document est pas encore ouvert, mais je peux quand même en parler. Okay. Ça a pris un petit bout de temps. Mais oui, on va pouvoir parler. Là, il nous reste une activité avant la fin de la session. Donc, ça va être celle là, qui va conclure cette édition-ci. Les prochaines activités vont juste être pour la session d'hiver. Ouais. Donc, on parle là, de la fameuse conférence qui a lieu mercredi le 16, donc dans deux jours. Mm-hmm. C'est à 18h à la Chasse-Galerie. Donc, vous pouvez venir. C'est un peu sous le principe 5 à 7. Donc, les gens, là, si vous voulez être sûr d'avoir de la place, vous pouvez venir un peu avant 6 heures là, pour être sûr de ne pas être debout dans le coin sur le côté de la scène là, ouais. pour avoir un petit peu de confort. Puis en plus, c'est gratuit. Donc, une conférence sur les voyages, la photo, probablement, genre de trucs comme ça. Dans le fond, c'est une conférence sur les voyages qui va être par rapport aux destinations que notre conférencière a fait et également là, des astuces un peu pour partir en style pas de sac, là, comme on dit, okay. là, sac à dos. Pas de sac. Pas de sac. Je ne connais pas l'expression pas de sac. Non? Non. Je connaissais pack sac. Ouais. Mais ouais, pas hein, de sac, je l'ai vraiment mal prononcé. Ouais, c'est ça que je suis en train de me dire. C'est une nouvelle sorte de pas de taille. Oui, c'est thaïlandais, je pense. C'est ça. Hein, on est lundi matin. C'est pour partir une chance. En Thaïlande. Là. Exact. OK. Pack sac. Pack sac. Donc le pack 16. Voilà. 16. Décembre. La chronique devient un petit cours d'anglais. OK. Alors, oui, c'est ça. Donc, c'est gratuit. Puis, notre conférencière, je le rappelle, c'est une blogueuse. Donc, son blog, s'il y en a qui veulent aller voir un peu c'est quoi pour avoir un aperçu de qu'est-ce que la conférence va avoir lieu, là. C'est la globelovers.com. Mm-hmm. Donc, comme ça se prononce. Puis, en plus, là, elle est responsable de la qualité de la formation chez Voyage Arabais, donc une agence de voyage de Trois-Rivières. Oui. Alors, ensuite, c'est important de savoir qu'à cette conférence-là, on va faire le dévoilement de toutes nos activités pour la session d'hiver 2016. OK. Oui, donc on va avoir un beau vidéo là, promo qui va tout vous expliquer les activités puis où est-ce que ça va se passer. Alors, pour les personnes là, qui veulent savoir tout d'un coup qu'est-ce qui se passe, mercredi à 18h, on va lancer la conférence avec le dévoilement. Oh, donc, parfait. Est-ce que ça va être le genre de vidéo qui va jouer à votre kiosque devant la cafétéria? Ça pourrait être le genre de vidéo qui va jouer. Sur une télé en boucle. Exactement. Ça ressemble à ça pas mal. Ben oui. Donc, ensuite, moi, mon sujet cette semaine, c'est les idées cadeaux pour les personnes là, qui trippent sur le plein air. Donc, vous en avez sûrement là, dans votre entourage. Puis des fois, on sait qu'ils aiment vraiment beaucoup le plein air, mais nous, on s'y connaît pas. On sait pas trop quoi offrir, qu'est-ce qui pourrait être utile ou pas, mm-hmm. qu'est-ce qui peut être de qualité ou pas, parce qu'il y a tellement de produits. Donc, aujourd'hui, là, on va parler des trucs à petit budget, à grand budget, dépendamment. Là, il y en a certains qui sont abordables. Donc, on va regarder là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, premièrement, un essentiel pour les personnes qui ont toujours, toujours froid. Ça, c'est pas obligé d'être quelqu'un qui trippe sur le plein air, là. Juste quelqu'un que quand il va dehors, c'est tout le temps la personne, tu sais, qui dit après 10 minutes « Je vais rentrer en dedans, j'ai froid aux mains. » Donc, des mitaines et des gants chauffants. Ah, je pensais dire un être humain qui va te coller. Ben, c'est gratuit ça, mais ouais. faut le trouver. C'est peut-être un petit peu plus difficile à ça trouver. Ça s'achète pas. C'est ça. Exactement. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu dispendieux. C'est au prix de 399 $. Ouch! Ouais, okay. Ça, c'est sûr. Hi. Mais c'est chauffant. Chauffant au degré près, j'imagine, j'espère, à ce prix-là. Ben non, mais en tant que tel, là, ça fait quand même une assez bonne chaleur pour qu'il y ait une autonomie pendant 2 heures de grand froid. Ouais. Ça peut quand même être assez pratique si vous faites du ski et tout, mais que vous ramassez tout le temps, devoir arrêter parce que vous avez trop froid. C'est ton pad sac. C'est ça. Vous pouvez mettre ça dans le pad sac. Dans le pad sac. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est vraiment, vraiment pratique. C'est une recharge à cellulaire qu'on peut traîner un peu n'importe où. Parce qu'il y en a qui trippent sur le plein air, ouais. mais mm-hmm. on sait maintenant, on est tellement rendu techno qu'on traîne notre cellulaire partout parce qu'il y a notre musique, c'est moyen de nous rejoindre, on peut avoir le GPS dedans pour nos trips. Donc, comment ça fonctionne? C'est vraiment spécial, okay? Je vais essayer de l'expliquer pour que les gens qui nous entendent visualisent. Vous avez un petit contenant qui ressemble un peu à un thermos, ouais. mais qui est vide à l'intérieur. Puis vous mettez juste des petites brindilles dedans. C'est quand même assez petit, là. C'est peut-être le format d'une bouteille d'eau, mais un peu plus large. Okay, pas okay. plus haut. Donc, vous mettez que des brindilles dedans. Et là, ça va chauffer par rapport à ça. Puis, à côté, accroché après, il y a un chargeur. Donc, où est-ce que vous pouvez mettre une prise USB? USB, ouais. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là. Vous pouvez brancher un ordinateur portable si vous amenez ça, peu importe. Donc, ça, ensuite, vous pouvez acheter des accessoires qui viennent après. Parce que là, comme ça, vous avez juste un petit feu. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est acheter une plaque barbecue que vous déposez dessus. Ouais. Ou encore, justement, là, pour recharger son cellulaire, dans la prise USB, vous mettez, c'est un peu comme une tige qui a un panneau solaire dessus. Ah, oh, wow! Puis là, ça va créer, là, avec le feu et le panneau solaire, l'énergie pour justement recharger vos appareils. Donc, tout ça, là, juste le petit rond de feu, qu'on peut dire, il vaut 150 $, mais il faut dire que vous n'avez jamais besoin d'acheter de gaz, jamais rien, parce que ça marche que avec des brindilles. Donc, vous allumez les brindilles, puis ça fonctionne tout seul. Toi, tu aurais sûrement assez de power là-dedans pour au moins allumer ton ordi avec le temps que ça y prend pour allumer. T'sais. C'est sûrement. Au moins 15 minutes, c'est en masse pour l'allumer. C'est ça. Je ne ferai pas le test, mais j'imagine que ça marcherait. Donc, juste le petit rond de feu, on parle de 150 $, mais on n'a plus jamais besoin d'acheter de gaz ou rien. Donc, ça, c'est super pratique. Ça peut te faire pendant des années. Mm-hmm. Ensuite, la plaque barbecue qu'on peut mettre, qui est un accessoire par-dessus, on parle d'une 50 $. T'as aussi la plaque crème sur oignon, qui est en extra, la plaque sur les vinets. C'est une seule pour toutes. Imagine, oh, wow. C'est économique. Donc, et le petit panneau là, solaire amovible qu'on peut mettre dans la plug USB, là, on parle aussi d'une 50 $. Ouais. Donc, il y a quelques accessoires comme ça qu'on peut acheter selon nos besoins. On s'entend, en tout et partout, si on met un 250 $ dessus, là, on est parti puis on n'a pas besoin d'acheter rien pendant des années. Là. Si on y fait attention, ça va super bien. Vous pouvez tout avoir. Là. Vous réchauffez, chargez vos appareils, tout le temps être à jour sur Facebook. Bien important. C'est important, les priorités de la vie. Là. Ben oui, c'est ça. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? C'est un chauffe-eau. Okay. Donc, ça, c'est vraiment spécial. Là. J'ai l'image en studio. Par contre, je peux pas vous le montrer. Là. Non, hein, c'est je vais le montrer à mes collègues. Ah! Ça... Vous voyez, c'est comme une petite boîte. Ouais. Puis là, vous avez plusieurs... vous avez les fils, là, et vous pouvez mettre plusieurs choses après. Donc là, on a un pommeau de douche que je monte aux collègues, justement. OK. Mais ça peut être autre chose aussi, là. C'est juste que vous allez avoir de l'eau qui chauffe et vous allez pouvoir prendre une douche n'importe où, quand vous voulez. Donc, c'est un petit réservoir d'eau chaude, là, 12 volts, que vous allez pouvoir mettre jusqu'à 20 livres d'eau. Donc, quand même, là, vous allez pouvoir prendre une bonne douche. Moi, c'est ça. Une bonne douche confortable dans le plein air, quand même. Puis, ensuite, c'est sûr que si, pendant l'utilisation, le chauffe-eau, il manque d'eau, bien, le propane va s'arrêter immédiatement. Donc, il n'y a pas de risque. Là. Okay. C'est juste que vous allez voir, il va manquer d'eau, juste en remettre un petit peu, puis ça va continuer. Puis, ça s'utilise n'importe où. Là. Comme j'ai dit, c'est portatif. Ça, on parle de 220 $ environ. Mm. Donc, c'est certain que pour avoir le confort d'une douche que vous pouvez prendre n'importe où, là, ça vaut quand même la peine. Pour les personnes qui veulent pas nécessairement aller dans les petites cabines dans le bois. On a besoin de notre luxe en 2016. Hein? Exactement. Puis ensuite, quelque chose qui est plus abordable, mais qui est vraiment un essentiel quand vous partez, ben c'est une poche d'eau. Okay. C'est vraiment important, on s'entend. Là, vous avez besoin d'eau quand moins vous partez. Moins cher, celui-là, j'imagine. Vraiment moins cher. Ouais. On part d'en bas de 10 $. Là. Ouais. C'est vraiment pas dispendieux. Donc, c'est une poche à eau Aquasac. Aquasac. Aquasac. Aquapadsac. Aquasac. Okay. Donc, c'est la compagnie Alliance qui le vend à 8,95. C'est vraiment là, une poche d'eau qui a la même capacité que le chauffe-eau que j'ai dit un peu plus tôt. Donc, on parle d'un 20 litres. Ça peut s'accrocher n'importe où. Et qu'est-ce qui est pratique? Là, on a des bouteilles d'eau maintenant qui sont faites comme ça. Ils se gonflent et ils se dégonflent. Là. C'est un peu en plastique. C'est mou. Vous pouvez le ranger super facilement. Ça devient compact. C'est la même chose, mais pour un format de 20 litres d'eau. Donc, c'est cool, ça. C'est vraiment très pratique. C'est toi ou Charlotte qui nous a parlé de comment laver l'intérieur de ça à un moment donné? Faudrait que ça... Ah, c'est pas moi qui en a parlé. Non. En tout cas, j'aimerais savoir comment laver ces trucs-là, ces petites poches d'eau-là. Comment les laver? Ouais. Ben, instinctivement, je dirais que t'enlèves le bouchon. Ça commence bien. Tu mets du savon. Mais j'imagine qu'il a expliqué une technique spéciale pour que ça aille encore mieux. C'est comme ça me dit quelque chose. Oui, c'est ça. Donc, ensuite, un autre essentiel là, qui est pas trop dispendieux, la serviette magique. Ah, c'est ça l'affaire que tu peux te mettre autour du cou puis ça te garde froid quand il fait chaud? Non, c'est non, pas ça. Parce que l'annonce à TV, ça. Ça a l'air bon. Ben oui, mais non, c'est pas dans les annonces à la télévision. Celle-là, par exemple, c'est une autre serviette magique. Bon. Donc, c'est la compagnie, attention, Pack Toil. Pack? Non, je suis pas sûre. Pack Toil. Pack Toil? Toil? Toil? Pack Toil. Pack Toil? Pack Toil. Voilà. Okay. Bref. Maintenant que c'est dit. C'est ça. C'est une serviette là, qu'on appelle Ultra Light. Donc, si vous allez la chercher en magasin et que vous la cherchez, c'est ça qu'il faut dire. C'est une petite serviette un peu, là, on pense principe chamois. Ouais. On peut penser comme ça. Ah là, ça ressemble à celle que je te disais tantôt, hein? Ouais. Es-tu bleu? Non, elle est grise. Oh. Mais je pense que celle-là fait en plusieurs couleurs. OK. Donc, ensuite, qu'est-ce qui est vraiment le fun avec cette serviette-là? C'est qu'elle peut faire jusqu'à 4 fois son poids en eau par rapport à l'absorption. Ouais. Ouais. Donc, ça, c'est super pratique parce qu'en plus, elle sèche super rapidement. Puis là, pour les personnes qui savent en pouces, c'est quoi, là? C'est 36 par 59 pouces. Okay. Là, j'ai l'impression de parler un peu comme mes parents, là. Ouais, hein? Ouais. Puis en plus, là, selon le fabricant, si on s'entend, c'est pas testé, là, je l'ai pas regardé encore, ça peut permettre à 4 personnes de se sécher, là, après une douche. Wow! Oh, quand même! Donc, on s'entend, là, c'est quand même assez pratique à amener, puis c'est pas très gros comme serviette. Donc, petit, efficace et abordable, c'est 38 $ environ. Magique, magique! Voilà, ouais. C'est la serviette magique. The ça dit. Pad Toilet Roll. C'est ça, exactement. Puis vous pouvez aussi y penser pour des personnes qui ne font pas nécessairement du plein air. Par exemple, là, vous avez quelqu'un qui fait de la compétition en natation, qui mm-hmm. vient un mordu. Là. Ça, c'est super pratique aussi. Ouais. Quelqu'un qui suit du front. Aussi. Oui. Jusqu'à 4 fois. Jusqu'à 4 fois ton, ton poids en eau. Mais non, pas ton poids, le poids de la serviette. Okay, okay. Là, ça serait peut-être un peu intense. Ouais. Là. Ça ferait au minimum 400 livres de la serviette. On n'a pas le même poids. Bon, c'était un poids fictif, par contre. Oui, oui, oui. Alors, ensuite, on a les gants anti-chaleur. Donc ça, on n'y pense pas tout le temps. C'est des petits gants là, qui ont des... si vous avez déjà vu ça, ça ressemble à des gants comme on portait au primaire, là, qu'on faisait les petits lapins avec. Les gants magiques, encore. Ouais, les gants magiques. Tout est magique, à ouais. peu près, les gants magiques. Ça ressemble à ça. C'est vraiment très simple, mais vous avez des petits points anti-chaleur dessus la paume et les bouts de doigts. Donc, ça, ça permet que vous pouvez cuisiner, toucher à des choses brûlantes, tasser des bûches dans le feu sans vous brûler. Donc, c'est vraiment utile parce qu'on se ramasse tout le temps à gosser avec un bout de bois pour essayer de ne pas se brûler. Puis là, ça ne fonctionne pas, ça tombe. Donc, juste pour y aller, là, bien simple, c'est vraiment quelque chose de pratique. Puis, en plus, là, ça monte quand même assez haut sur l'avant-bras. Donc, par exemple, les personnes qui ont des enfants là, puis qui vont dans le camping, aussi s'ils veulent être sûrs pendant qu'ils veulent s'amuser à cuisiner ou à jouer dans le feu, ben mettez les gants anti-chaleur, ça va être correct. Puis ça, c'est au coût de 15 $. Ah, c'est pas si pire. Donc c'est ça, là, c'est abordable. Oui, j'ai descendu mes prix un peu. Tu nous fais des rabais juste pour nous autres. C'est ça, ça a commencé un peu intense, mais inquiétez-vous pas, là, c'est quand même abordable. Là, ensuite, il y a les fameux bottillons. Là, je vais encore le prononcer en anglais. Attention. Oui. Yut. Yut. Tout. Yutu. Yutu. Yutu. H-U-T-2. H-U-T-2. Hot 2. Hot 2. Hot 2. Hot 2. Hot 2. Oui. Voilà. Bon. Donc, ensuite, après la prononciation, ce que c'est des bottillons, là, c'est un peu comme des grosses pantoufles de plein air. On peut voir ça comme ça. Il y a une semelle qui est en dessous. Par contre, pour le reste, là, c'est vraiment comme... OK, je vais comparer là, visuellement à un sleeping bag pour pieds. Wow! Ah, OK. Ça ressemble à ça. C'est très bien imagé, là, c'est vrai. C'est un sleeping bag pour pieds, oui. C'est comme, c'est comme des hugs, mais à la place d'être du poids, c'est du tissu comme c'est ça. Des sacs de couchage, mettons. Des hugs style plein air. Ouais, la forme c'est est très ça. Hugs. Dans les films, dans les films où ils vont dans l'Antarctique, puis tout, là, ils ont tout ça dans les pieds. Tout le temps, ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Ben, c'est parce que ça marche super bien pour l'isolation. Là, quand vous dormez, par exemple, si vous avez peur d'avoir froid ou juste pour vous promener comme ça, là, mais être super confortable, ça marche sur la neige, puis c'est super résistant, antidérapant. En PVC, les personnes qui s'y connaissent. Puis, en plus, ben, c'est toute une isolation synthétique. Là. Donc, ça reste très, très chaud. Ensuite, ça, on peut en avoir là, dans plusieurs gammes de prix, mais je vous dirais la plus basse que j'ai trouvée, puis qui est quand même de bonne qualité, là, on parle peut-être autour de 45 $ chez Mountain Equipment Co-op. La botte, non. C'est une chose. Non, les deux. Okay. Donc, là-bas, là, s'il y en a qui connaissent ce magasin-là, c'est vraiment le magasin parfait pour les personnes de plein air. Mm-hmm. Donc, MEC. Donc, le nom, là, on l'appelle MEC. Mais ça prend 5 $ par exemple, pour être abonné à vie. Okay. Mais après ça, on a vraiment des bons prix sur les trucs de plein air. Donc, si on parle de 45 $, il y en a à 80. Ça peut varier. Ensuite, on remonte dans les prix qui sont un peu plus élevés avec la raquette ski. Et le ski raquette, c'est deux choses différentes. Attends un peu, là. Deux choses différentes qui se ressemblent pas mal. Là. C'est ça. Ouais. La raquette ski, c'est une raquette Donc, même forme et tout, sauf que c'est un petit peu plus allongé. Donc, puis qu'il n'y a pas de trou dedans, il y en a simplement un. On sait que les raquettes, habituellement, là, c'est un peu plus perforé pour laisser passer la neige. Ouais. Donc, là, c'est vraiment que vous allez pouvoir faire de la raquette, puis quand il va y avoir des descentes, de surfer un peu là, sur la neige. Okay. Vous allez pouvoir faire ça. Puis, également, le ski raquette, qu'est-ce que c'est? C'est comme des vrais skis, sauf qu'ils sont un peu plus larges, et en dessous, au milieu, il y a une base antidérapante. Donc, ça permet d'adhérer quand vous voulez pas glisser trop, puis également quand il y a des montées. Donc, c'est un peu un genre de ski de fond, mais qui ont appelé ski raquette. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'à peu près comme ça, avec c'est une base antidérapante. Mm-hmm. C'est sûr que ça peut plaire peut-être aux personnes qui aiment plus faire du hors-piste ou partir là, comme ça à l'aventure, parce que ça peut marcher pour partout. Là. S'il y a de la neige que vous voulez pas caler dedans, là, le ski raquette ou le raquette ski, ça fonctionne très bien pour ça. Mm-hmm. Puis on parle qu'on l'achète neuf pour le ski raquette, parce que le raquette ski, j'ai pas réussi à trouver le prix. Là, par contre, c'est un peu tabou, on dirait. C'est tabou? Ah, j'ai pas trouvé de site qui le vendent. J'ai vu des chroniques qui en parlent. Par contre, des sites qui le vendent, ça serait là, les personnes, si vous êtes vraiment intéressés, vous pouvez aller faire des recherches. Mais le ski raquette, par contre, ça, on trouve vraiment beaucoup. Là. C'est 399 quand c'est neuf. OK. Un tabou de ski, là. C'est ça qui a inspiré le nom du skibou. Skibou? Skibou? Skibou, le jeu de cartes, je pense. C'est pas drôle, pantoute. Je sais pas. C'est pas drôle. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça, moi. Ouais. Ben oui. OK, on enchaîne. Donc, il y a le couteau allume-feu. OK. Ça, c'est vraiment pratique. Donc, on sait qu'on a toujours besoin d'un petit canif, là, des fois, quand on s'en va dans le bois. Ça, ben, c'est bien facile, là. C'est un couteau. Puis, on peut allumer le feu avec. Logique jusque-là, oui. Voilà, ça le dit dans le nom. Donc, ça possède, là, un couteau pliable, puis un sifflet d'urgence aussi. Si jamais vous avez quoi que ce soit, il y a ça qui est intégré en plus. L'animal, là? Oh boy. Ouais, je sais pas. Un sifflet. J'ai un rhume, je pense. Un sifflet. C'est une joke de sifflet puis de sifflet. Ah, d'accord. Ça vient avec. C'est avec un sifflet. Bon. Ensuite. OK. Donc, il y a un petit, là, vous vous rappelez, la semaine passée, je vous ai parlé du bloc de magnésium. Oui. Ouais, ça faisait quoi, donc? Bon, ben ça sent que vous le grattez avec un couteau. Oui. Puis ça allume le feu. Mm-hmm. Puis ça dure éternellement, ouais, là. Ça. Donc, dedans, ce petit couteau allume-feu, il y a un petit bâton de magnésium que vous avez juste à gratter avec le couteau qui est intégré dedans. Ah. Puis là, le feu est parti. Puis vous pouvez siffler vos amis pour dire que le feu est prêt. Tu peux te limer les ongles aussi, je pense. Aussi. Je risquerais pas. Hein, avec ce que ça ressemble, là, ça ressemble à un bon couteau à steak. Ouais. Fait que je suis pas sûre. Donc, c'est ça. On le frotte là, sur le dos de la lame du couteau. Pas sur où est-ce que c'est tranchant. Là. Vraiment pas, parce que sinon, le magnésium, il va juste casser en deux. Okay. Puis, ça peut être utilisé, là, ils disent, environ pour 3000 fois. Oh, quand même. Allumer un feu 3000 fois, là. Fait que ça vaut quand même la peine. Surtout que c'est au prix de, roulement de tambour, 30$. Fait que c'est rien, là, pour 3000 fois. Je trouve que c'est assez abordable. Est-ce que c'est 3000 fois où tu réussis ou c'est 3000 essais? Ben, j'imagine... je pense que c'est des experts qui ont dû tester ça. Fait que j'imagine que c'est 3000 fois réussi parce qu'à chaque essai, il réussit. Peut-être. Sûrement. Vu comme ça. ben, peut-être que c'est pas la chose la plus difficile, là. T'sais, une étincelle dans un petit feu, dans une petite broussaille, là, vous devriez être correct. Ensuite, quelque chose de vraiment cool quand vous partez pour un long trip, là, c'est un sac lessive. Un sac lessive, donc que tes vêtements se lavent à l'intérieur de ça, je me semble que j'ai déjà vu parler. C'est ça, exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est pas très gros, là, je vous dirais que je peux comparer ça à... Un sac banane ou quelque chose comme ça. Un étui à CD. Étui à CD, OK, ouais. À peu près un étui à CD comme dimension. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, par exemple, là, vous avez un morceau de linge qui est rempli. Eux, ils donnent l'exemple de sève de pain. Tu sais, c'est tout collant là, ouais. Sur ton chandail. Puis, t'es peut-être à une semaine de marche de la prochaine endroit où tu pourrais laver. Mm-hmm. Si tu y vas très intense, là. Eh bien, tu fais juste le mettre dans le sac à lessive. Puis, pour laver, il faut que tu ajoutes l'eau, du savon. C'est sûr que ça, c'est important. Puis, ton vêtement. Okay. Puis, les trois choses. Ensuite, tu le replies sur lui-même parce que c'est un petit sac flexible. Donc, 4 à 5 fois que tu replies. Un peu comme une feuille de papier, là. Puis ensuite, on attache les extrémités. Donc, il y a deux petites ganses, là, un peu comme un sac banane que t'attaches. Ouais. Puis, ben, tu frottes. Tu frottes sur soi-même. Tu frottes sur le sac. Okay. Parce qu'il y a une petite râpe, là, un peu dedans, là, okay. Pour frotter les vêtements. Donc, c'est ça. Tu frottes un peu dedans, environ 30 secondes à 3 minutes, dépendamment comment il est vraiment sale, mm-hmm. ton vêtement. Puis, ben, c'est fait. tu le sors de là puis il est propre. C'est ça. Il reste à faire sécher. Ouais, mais c'est sûr qu'il faut pas exiger. Faut le rincer, j'imagine. Ouais, ouais, faut le rincer, mais c'est sûr qu'il faut pas y aller être super picky là, là-dessus. Non. Mais ça fait vraiment la job, ça nettoie, ça sent plus mauvais, tout est beau. Wow. Puis ça, on parle de 59$. Ok. Donc quand même abordable. Puis encore au magasin là, Mountain Equipment Co-op. Mm-hmm. Ensuite, quelque chose de vraiment cool que j'ai vraiment aimé. Que tu veux, c'est ce que tu veux. Hein? C'est ça, bon, ben, petit ouais. message. Non, c'est qu'on peut prendre des photos avec nos jumelles. Hein? OK. Ça, c'est vrai. Mathieu est sceptique. Non, je pense aux mots jumelles. Donc, on prend n'importe quelle paire de jumelles, peu importe. Mm-hmm. Ouais. Donc, vous savez, là, vous avez tous déjà utilisé ça. Vous avez les deux trous pour mettre vos yeux. Dans un des... Mais la suite est une logique, là. Je suis okay, pas ça pour rien. Tu parles de l'instrument. OK, oui, c'est bon. Oui, oui, pour regarder au loin, okay, Mathieu. OK, oui, OK, excuse-moi. Ah oui, j'ai pas compris. Non, tu lui, ouais, non, c'est... Ah, il s'est fait c'était, une c'était blague. De mauvais goût, hein, ça. Ah, bon, OK. C'est très déplacé. On va passer à autre chose. Donc, où est-ce que vous pouvez mettre vos yeux? Oui. D'un côté, vous pouvez ajuster. C'est un petit appareil, là, qui se vend, puis qui fonctionne. C'est à peu près comme... on peut comparer ça... au truc qui sert au GPS là, puis au téléphone intelligent dans les autos. Okay. Bon, mais ils sont ajustables. Ouais. C'est un support qu'on colle après la vitre. Un rack. C'est ça. C'est à peu près ça. Sauf qu'à la place... Tes jumelles ont un beau rack. Hein? Donc, à la place, vous avez le support pour le cellulaire. Donc, il s'ajuste là, peu importe c'est quelle sorte d'iPhone 4, 5, 6, 10, 12. Puis Android ou pas Android, là, ouais. Ça ne dérange pas. Donc, ça va vous durer universel. Éternellement. Oui. Puis, ça s'ajuste également là, au rond où est-ce que vous mettez vos yeux pour les jumelles. Bon, ouais. Là, j'ai pas le choix d'utiliser ces termes-là. Non, c'est ça me va très bien. Alors, donc, ce que vous voyez en temps réel dans les jumelles, votre appareil photo va être capable de le prendre soit en vidéo ou vraiment en photo. Donc, ça fait des super de belles photos, ouais. Dépendamment de votre de qualité de vos jumelles. Si c'est un Android, des fois, ça peut être moins bonne qualité, ça peut arriver, t'sais. Ah, je peux pas style. Juger ça. Style. La guerre des... pas de ça matin. Mais c'est ça, si vous avez vraiment des bonnes jumelles, là, ça peut être super pratique pour les personnes qui veulent quand même garder des souvenirs. Des fois, vous voyez quelque chose, ça passe 2 secondes. Bien, ça vous permet de conserver ça. Puis également, qu'est-ce qui est vraiment cool, là, c'est une petite parenthèse pour les scientifiques de ce monde. OK. Puis pas nécessairement pour les tripes de plein air. Ça s'utilise aussi sur des microscopes parce que c'est le même principe, dans le fond. Wow. Tu le mets où est-ce que tu regardes, puis ça s'ajuste. Fait que tu peux prendre des photos de tes bactéries, puis des trucs comme ça qui t'intéressent vraiment beaucoup. Là. Par exemple, les gens qui sont dans le bac en biomédical. Microscope, pas télescope, c'est ça? Oui, microscope. C'est ça, OK. Ben, télescope aussi. Aussi, là. Oui, oui. Ça fonctionne, oui. Peu importe. Mais je parlais microscope. Okay. Ah, tu peux avoir cool, des photos là, des virus que tu analyses et tout. Wow! Ça peut être super intéressant par rapport à ça, là. Surtout si vous avez des oraux à faire. Ça peut être quelque chose de fun. Pour combien, ça? Ah, le prix. Mm-hmm. C'est un petit peu plus dispendieux, mais pas tant que ça. OK. Tu me fais peur en regardant le mec. Donc, on part de 75$. Okay, ah, c'est ouais. Pas spécial. Non, c'est ça. C'est pas comme les ski raquettes. Ouais. C'est un petit peu moins cher. Puis, vous n'avez pas à avoir peur, justement, quand vous l'achetez. Là. Comme j'ai dit, ça s'ajuste à n'importe quel appareil photo. Ben, appareil cellulaire qui fait des photos. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ça aussi, c'est vraiment le fun. Je pense que j'ai gardé les meilleurs pour la fin. Hein. C'est une application que vous pouvez mettre sur vos cellulaires, une application Road Trip. OK. Donc, ça s'appelle Road... Bon, là, je vais encore parler en anglais. Bon. Hein? Bon. On va t'aider. OK. Road Tripper. Non, road, Tripper. Road Tripper. Road Tripper. Road Trippers. OK, parfait. Road Trippers. OK, bon. Donc, cette application-là, elle permet quoi? Elle permet que, par exemple, vous voulez vous rendre, je sais pas, là, à Miami en Floride. Okay. Pendant Noël, là, vous dites, hey, on fait un road trip, on s'en va en Floride. Bien, vous allez mettre de où vous partez, puis vous allez inscrire que vous allez à Miami et l'application va vous suggérer des points vraiment intéressants à arrêter. Ah, des points touristiques, c'est ça. Ah oui. Sur le chemin, donc dire, hey, tu passes par cette route-là, bien, à telle place, il y a telle chose ou vous avez des stations-service à telle place. Donc, vraiment, là, ça crée ton road trip en temps réel. Wow. Donc, ça, c'est super pratique. Puis en plus, vous l'avez pour tout le temps, là, c'est une application pour le cellulaire. Donc, super pratique. Ça coûte combien ça? 1$, 2$, 3$, 5$? Environ. Environ. Je vous dirais que c'est peut-être un 3-4$. Ouais, c'est bon. Mais c'est vraiment pas cher là, pour qu'est-ce que c'est. C'est un peu, on avait fait la référence quand les mes parents allaient chez CAA, par exemple, ouais. là, puis qui se faisaient faire leur itinéraire avec leur road trip. Avec un crayon feuille, tout ça. Ouais, c'est ouais. ça, là, tu sais, dans l'ancienne génération. Ben, c'est la même chose, mais avec ton cellulaire. Virtuel. C'est ça. Sans avoir à faire un contact humain. Ouais, dis-même, c'est un peu triste. Ouais, mais... mais tu vas faire ton road trip avec des amis, pareil. C'est ça, exactement. Donc, pour les personnes là, qui veulent partir, pas se casser la tête, puis savoir que, par exemple, la petite lumière de gaz s'en va pour allumer, puis vous savez pas trop où est-ce que vous êtes, ben l'application peut être vraiment pratique pour ça. Oui. Donc, également, là, c'est fait pour les attraits, mais aussi les restaurants. Donc, okay. tout ce qui est vraiment pratique à savoir, vous y allez par catégorie de qu'est-ce qui vous intéresse. Donc, ça se fait, puis c'est partout dans le monde. Mmh. C'est pas juste en Amérique du Nord, là. Vous avez vraiment... Soit vous pouvez faire, comme je vous ai dit, choisir le point Miami, ou sinon, vous faites juste ouvrir l'application et regarder la carte du monde. Puis, ils vont vous dire là, des suggestions, puis vous allez pouvoir regarder. Donc, c'est applicable dans toutes les régions. Peu importe là, si vous allez faire un trip en Asie, ça s'applique aussi. Super pratique. Ouais, donc ça, c'est super intéressant. Puis, ensuite, ça, c'est super à la mode depuis 2 ans, peut-être, là, un foulard... Tubulaire. Un foulard? Non, tubulaire, si je me suis mélangé. Tubulaire, OK. Voilà. Ça me dit rien. Ben, c'est juste un foulard qui est un peu comme un tube. Ouais. Mm-hmm. Donc, ça le dit dans le nom, là. Mais c'est que ça peut servir autant de bandeau, de cache-nez, de cagoule, de tuc, de peu importe, là. Ça peut servir à tout. C'est vraiment comme un long cache-cou. Là. Je pourrais vous décrire ça comme ça, là. Très, très long. Donc, c'est généralement là, unisexe, puis c'est multifonctionnel. Donc, dans le sens où les personnes qui vont faire de la randonnée, ils aiment vraiment ça. Parce que au début, quand vous avez froid, vous pouvez le mettre dans votre cou. Donc, ça protège, là, puis ça crée de la chaleur. Puis là, on s'entend, là, quand ça fait quelques temps que vous montez la montagne, vous pouvez la mettre, puis en bandeau. Donc, pour dégager là, la sueur et tout, c'est vraiment quelque chose de super pratique. S'il y a du vent, vous le montez dans votre visage, c'est multifonctionnel par rapport à ça. C'est généralement fait en microfibre. C'est sûr qu'il y a plusieurs niveaux de qualité que vous pouvez avoir. Puis, ça se lave à la machine super bien et ça sèche rapidement. C'est quasiment plus magique que l'autre affaire magique de tantôt. Plus que la serviette magique? Non, peut-être pas plus. Je penserais pas. Quatre fois son poids. Ouais. Ah, 4 fois son poids! 4 fois son poids! Ah oui, c'est l'argument. À vous, c'est un argument béton. C'est ça. Donc, puis il y a plusieurs couleurs aussi. Oh! Pour le petit foulard. Ouais. On aime ça, hein? Donc, on parle d'environ 15-20 $ qui s'offre partout, là. Sport expert, atmosphère, peu importe, là. Mm-hmm. C'est vraiment un incontournable pour les magasins de plein air. Mm. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, attendez, j'en ai sauté un. Ah. On va l'avoir. Non? Je ne le trouve plus. Bon. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoute, on va tout de suite repasser aux activités là, à venir. Bon. Ça assez de cadeaux pas. Pour aujourd'hui. C'est ça. Parce que là, tous ces cadeaux-là, bon, c'est sûr, il y en a qui coûtent moins de 10 $, il y en a un peu plus dispendieux, il y en a qui sont pour les personnes là, qui ont quand même beaucoup de budget, là, on parle d'autour de 400 $. Mais c'est toutes des choses que les tripeux de plein air vont vraiment aimer. Puis, comme je vous ai dit, là, on se rappelle encore les photos jumelles, que ça, c'est pas nécessairement juste les personnes en plein air qui vont aimer ça. Et c'est sur ta liste pour ton cadeau de Noël. Donc, Je vais mettre la liste de tes cadeaux sur la page du Club plein air Écuter. Oui, je vais c'est la bien. Mettre, là. Je vais c'est mettre cool. les noms avec les prix à côté. Comme ça, va vous donner un petit approximatif. Génial, page Facebook, UQT apostrophe AIR. Exactement. C'est ça, vous avez trouvé. Écuter. Voilà. Ouais, Écuter. Écuter, si tu veux. Donc, activité à venir, tu disais? Oui, on repasse encore, là, je vais reparler de la conférence. Oui. Donc, on se rappelle, le 16 décembre à 18 h à la Chasse-Galerie. Vous pouvez arriver avant pour être sûr d'avoir des bonnes places. Puis, on va parler voyage, donc destination et astuces. Si c'est dans votre plan là, de partir en voyage et d'avoir des petits trucs, il peut y avoir des destinations qui vous intéressent. Mm-hmm. Puis également, je sais que ça arrive en même temps là, que la fin de session, donc qui est cette semaine pour tout le monde, pas mal. Et ça arrive en même temps que le 24 heures d'études. Oh. Donc, la conférence, là, c'est un petit 45 minutes. Vous pouvez prendre une petite pause là, d'études, venir à la Chasse-Galerie. C'est le fun. Regardez ça. Ben oui, c'est ça. C'est pas une conférence là, qui va durer 3 heures. Là. Vous pouvez vous permettre un petit 45 minutes de pause, ça va vous aérer le cerveau et ça va vous faire rêver pour en plus vous motiver à avoir des meilleures notes pour pouvoir partir en voyage. Tout le monde gagne. C'est voilà. C'est gratuit. En plus. C'est génial. Que demander de plus? Ben oui, puis on se rappelle que juste avant la conférence, on va faire le dévoilement pour les activités de la session d'hiver 2016. Donc, toutes nos activités là, avec les places vont être dévoilées. Alors, manquez pas ça, parce qu'en plus, c'est un super de vos beaux vidéos promo qu'on a faites. Ben, tu vas être là en plus, fait que tu sais. Oui, je vais être là. C'est ça, c'est fun, ça. Ben oui. Rencontrer Catherine Langlois. Ben oui. Hein? Voyons. Voyons donc. Le lundi matin. Lundi matin. Faudrait pas te rencontrer le lundi matin, t'étais fâché contre ton portable. Là, ouais, c'est vrai. J'étais un petit peu fâché. Ouais. Mais là, c'est correct. Là. Il a décidé de contribuer. Là, ça s'est bien passé. Tout est correct. J'ai plus de mes cadeaux. Elle ne le fermera plus jamais. Oh non. Catherine Langlois, donc merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. On va te retrouver à l'hiver parce que t'es aux deux semaines et la semaine prochaine est notre dernière semaine en onde pour l'année. Exactement. Voilà. Donc, on te remercie. En janvier, on verra à quelques heures. On va voir si ça continue. Ben, c'est ça. On va voir ça. Mais dans ce temps-là, moi, je vous souhaite un bon temps des fêtes. On s'en parle pas, puis une bonne fin de session. Toi aussi. Et bonne journée pour commencer. Ben oui. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. J'espère que je vous décevrai pas. Hein? Peut-être que vous en allez justement où il faut pas. Le top 10 des pires choix à faire dans les fast-foods les plus populaires. Donc, c'est possible que je vous interpelle avec mon annonce. Donc, nous savons tous manger dans des établissements de type restauration rapide et qui vaut bien souvent à trop de calories, de gras et de sel, même si de plus en plus la tendance se dirige vers une offre plus saine. Les classiques demeurent et sont souvent les choix les moins bons. Hein? Mais pas dans la bouche. Dans la bouche, c'est souvent les classiques qui sont bons. Mais en tout cas, il faut faire attention. Je vous en viens. Donc, afin de faire ressortir les pires monstruosités en matière de calories, on vous présente les pires choix à faire dans les établissements de restauration rapide. Et ça a été réalisé par une nutritionniste. Cette nourriture est souvent alléchante, très goûteuse, étrangement savoureuse. Mais si vous succombez à l'occasion, ce n'est pas un drame. Mais il faut y aller avec modération. Vous en allez peut-être chez McDonald's. Hein? Premier arrêt chez McDo. Évidemment, allons-y pour un classique. Le Big Mac, oui, frites moyennes et Coca-Cola. Ce charmant trio nous fournit 1120 calories, hein, 147 g de glucides, 46 g de lipides, 1300 mg de sodium et 28 g de protéines. En décortiquant ce menu, nous atteignons déjà la moitié de nos besoins caloriques pour la journée. Ensuite, le repas est composé à 37 % de gras, ce qui est énorme également. Nous sommes déjà à 54 % de nos besoins comblés pour la journée en sodium. Mais là, je viens avec une réflexion. Si tu prends deux trios Big Mac par jour, OK? Parce que là, on parle du trio Big Mac, là. Ben finalement, t'arrives juste aux besoins caloriques essentiels de la vie. Donc, tu as quasiment un régime de vie sain. Il faut pas t'en manger trois, faut t'en manger deux. Je dis de la niaiserie en ce moment. Je veux juste pas qu'il y ait des gens qui me prennent pour du cash. Qui prennent pour du cash les conneries que je dis. Mais on comprend là, que ce que je dis, c'est très gras. Si à la place, vous allez voir l'ours IW, hein, chez IW, eh bien, on a choisi un menu semblable à celui pris chez McDo pour comparer les valeurs nutritives. Oh, prête! Hein? C'est plus gras encore. Un Papa Burger, un frite régulière et une root beer régulière. Donc, les résultats sont presque identiques avec 1240 calories. Donc, c'est plus, l'autre c'était 1120. 174 grammes de glucides, 47 grammes de lipides, 1650 grammes de milligrammes de sodium. Donc, c'est plus salé, plus gras et moins bon pour la santé. Hein? 40 grammes de protéines. Par contre, il y a plus de protéines. Nos besoins en sodium pour la journée sont à 69 % comblés. Préparez-vous à boire beaucoup d'eau après votre repas. C'est beaucoup trop salé. Sinon, chez Burger King, un petit tour chez Burger King. Encore une fois, achetez un repas de type semblable aux deux précédents. Eh bien, cette fois-ci, c'est le Whopper, la frite régulière et un Coca-Cola moyen. Les valeurs nutritives sont les suivantes. 1200 calories. Encore là, on est très, très proche. 149 de glucides, très près du Big Mac. À date, le Big Mac est le moins pire. Hein? Faut le dire. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de protéines dans le Big Mac. Seulement 28 grammes parce que c'est pas de la viande. C'est ça le problème. Chez IW, c'était de la viande. 55 grammes de lipides, 1435 mg de sodium et 32 grammes de protéines. Donc, à date, la seule vraie viande, on se le dit, c'est le plus gras, c'est le plus salé, mais c'est quand même chez IW, on doit l'admettre. Donc, des trois restaurants, c'est celui qui a le taux de gras le plus élevé chez Burger King. 41% des calories du repas proviennent de gras présents dans les aliments. Petite nouveauté chez Burger King, une frite qui se vante d'être 40% moins grasse que la régulière, eh bien, elle vaut sûrement la peine d'être essayée. Sinon, on va se rendre chez Harvey's. Dernier arrêt pour un trio hamburger, hein, parce qu'on en a assez mangé. Hamburger original, frites moyens et Pepsi moyen. C'est chez Harvey's que l'on obtient le trio le moins calorique. Avec 1070 calories, vient ensuite 70 grammes de glucides, 35 grammes de lipides, 1830 milligrammes de sodium, 25 grammes de protéines. Et oui, on a un trio moins calorique, mais beaucoup moins protéiné aussi. C'est ici que l'on retrouve à l'extrême le menu le plus salé qui comble 76% de nos besoins en sodium de la journée. Donc, Harvey's est le moins calorique, mais le plus salé de tous les trios hamburger. Sinon, arrêt vers le patachou hein, des Québécois. Non, mais le Valentine, la poutine. Poutine de format régulier, boisson gazeuse moyenne, eh bien, ce repas peu intéressant au niveau nutritif et catastrophique. On obtient 1320 calories, soit 186 grammes de glucides, 50 grammes de lipides, 1660 mg de sodium et 31 grammes de protéines. Ce sont donc 34% d'énergie qui provient du gras et ce repas comble 70% de nos besoins journaliers en seulement un repas en sodium. 70%. Ouf! Sinon, si on va chez Poulet Frit Kentucky, eh bien, on prend le chargé. Ouais, mais là, on n'a pas pris le plus petit. Hein? Le sandwich surchargé Zinger épicé, boisson gazeuse de format régulier et frites individuelles. Il s'agit d'une grosse poitrine de poulet épicé et panée pour être ensuite frite. Le tout disposé dans un pain Kaiser aux graines de sésame avec une feuille de laitue. On l'a bien dit, une feuille de laitue. C'est une bombe côté valeur nutritive, 1381 calories, 192 grammes de glucides et 50 grammes de lipides, 2850 milligrammes de sodium. 2850 grammes de sodium, mes amis, et 43 grammes de protéines. Ici, on a au moins un taux de protéines un peu plus haut, mais le taux de sodium dépasse de 400 milligrammes les besoins journaliers. Juste avec un sandwich, OK? Vous dépassez les besoins journaliers de sodium. Ce repas à lui seul pourrait presque être suffisant pour nos besoins caloriques pour la journée au complet. On comprend? On a tout ce qu'il faut là-dedans pour survivre. Chez Amir, hein, un petit tour chez les Libanais où on a trouvé collé dans la vitre le logo Cuisine Santé Libanaise. Alors, on a opté pour la fameuse assiette chiche kebab, patate et riz et boissons gazeuses de format régulier. Ben moi, premièrement, là, les boissons gazeuses, on pourrait laisser faire hein, ça, là, on devrait presque les interdire. Sérieusement, puis ça coupe pas grand-chose sur votre repas. Moi, je vais souvent manger n'importe quoi dans des restos et je regarde les gens, presque tout le monde prend de la boisson gazeuse. Je sais même pas comment ils font. Moi, je veux dire, un repas, ça se prend avec de l'eau, le matin avec du jus, puis peut-être un peu de vin, mais de la boisson gazeuse, me semble, ça fit avec rien. Mais bon, ça, c'est juste mon avis. Chez Amir, donc, l'assiette de chiche kebab, un total de 1548 calories, 158 grammes de glucides, 65 grammes de lipides, 1420 mg de sodium et 56 grammes de protéines, beaucoup de gras et de sodium. À noter qu'il y a moyen de faire des choix intéressants dans ce type d'établissement pourvu qu'on évite les sauces ainsi que les fritures. Encore là, les sauces, si c'est une aioli faite à partir d'huile d'olive et de l'ail, c'est des bons gras, fait que ça, c'est moins grave. Sinon, si on va chez Scores, hein, ben oui, on va aller pour une commande chez Scores. Un quart de poulet avec une demi-côte levée, une frite moyenne et une boisson gazeuse de format régulier. En plus, on ne fera aucun effort de se déplacer, donc aucune calorie brûlée. On va la faire venir chez soi. Le total, 1500 calories, 138 grammes de glucides, 65 grammes de lipides et 1055 mg de sodium, ainsi que au moins, on a 95 grammes de protéines. On a ça. Si on va chez Dairy Queen, eh bien, après tous ces aliments salés, hein, on a envie de quelque chose de sucré, donc on va chez Dairy Queen. On se prend un grand blizzard à la pâte de biscuit double fondant. Attention, ça bat des records. Juste pour un grand blizzard, on a 1260 calories. C'est un repas, finalement, le blizzard. Je ne sais pas si vous le saviez. 53 grammes de lipides, 184 grammes de glucides, 720 mg de sodium. Il y a quand même 720 mg de sodium dans le dessert, vous comprenez? Et 20 grammes de protéines. Soyez vigilants avec ces friandises glacées à elles seules. Elles peuvent rivaliser en calories et en gras avec l'équivalent d'un repas complet au-delà de la moitié de vos besoins caloriques en une journée. Et finalement, la place la pire du monde, pour moi, là, mais vraiment, là, je comprends pas que les Québécois embarquent dans cette espèce de place dégueulasse. C'est le Tim Horton. Il n'y a rien de bon, là. sérieux, à part les beignes, là, il n'y a rien de bon. Le café n'est pas bon. Les sandwichs goûtent le carton. Il n'y a rien de bon chez Tim Hortons. Non, je dois dire que j'ai déjà... le café glacé Tim Hortons, c'est la seule... Non, ça, je dois avouer, c'est vrai. Mais à part ça, là, ça vaut même pas la peine d'exister, Tim Hortons. Pour vrai. Parce que, comme j'ai dit tantôt, le café glacé, il n'est pas pire. Mais faut que tu le prennes en... Mes amis m'avaient dit, prends-le avec du lait, c'est moins pire qu'avec du gras. Effectivement, avec de la crème. Goûte la même chose, beaucoup moins gras. Mais sérieux, sinon, Tim Hortons, je vois pas la raison d'exister de cet endroit. Mais en tout cas, donc, si on pense faire un choix matinal éclairé en prenant un muffin aux dattes et aux noix avec un smoothie aux petits fruits format moyen, eh bien, on se retrouve quand même avec 640 calories, 19 grammes de lipides, 115 grammes de glucides et 9 grammes de protéines. C'est presque le tiers de l'énergie provient des gras et en plus, 9 grammes de protéines ne vous permettront pas de vous sentir rassasié jusqu'au prochain repas. 9 grammes de protéines, c'est absolument rien. Ce qui risque de vous faire prendre une petite collation avant le prochain repas. Ceci n'est qu'une liste non exhaustive de quelques repas retrouvés dans les populaires établissements de restauration rapide. Consommés à l'occasion, ils ne rendront pas automatiquement le consommateur malade ni trop gros. Il faut se rappeler que ce n'est pas le type d'aliment à consommer au quotidien. Je pense qu'on a compris, hein, si on sait lire entre les lignes et même si on sait lire les lignes directement. Il y a Donald Trump qui a un nouvel ami, on dit moins connu, mais tout aussi détesté que lui. Quand même assez connu, vous allez voir, qui se ressemble, s'assemble. Donald Trump, candidat critiqué à l'élection présidentielle américaine de 2016, s'est fait un nouvel ami tout aussi détesté que lui. Son nom, je vous le donne en mille, Dan Bilzerian, hein, richissime joueur de poker et ironiquement surnommé le roi d'Instagram. Dan Bilzerian doit ce surnom aux photos qu'il poste sur Instagram où des filles en tenue légère côtoient des armes et des grosses voitures. Un goût de lexique semble donc avoir plu à Donald Trump. Dan Bilzerian a en effet publié sur son compte Instagram une photo de lui en compagnie du candidat républicain avec une légende qui illustre parfaitement sa manière de vivre. Dans l'ère du politiquement correct, il faut respecter ceux qui continuent à être sans filtre. Wow! Hein? Deux beaux innocents qui sont ensemble. Saviez-vous que les gens les plus intelligents se couchent plus tard, se droguent plus et font plus souvent l'amour? Et ce sont des chercheurs qui le disent. Eh bien oui, de nos jours, hein, ce qui caractérise un esprit intelligent, lorsqu'on pense à quelqu'un d'intelligent, on a l'habitude à l'imaginer, cette personne cloîtrée dans une bibliothèque en train d'étudier. Dans l'inconscient collectif, l'intelligence est synonyme de comportement social réservé et obéissant. Cela peut paraître surprenant, mais de nombreuses études ont montré que les gens les plus intelligents se couchent plus tard, se droguent plus et font plus souvent l'amour. En effet, les personnes les plus intelligentes ont désormais des habitudes nocturnes et profitent beaucoup plus du sexe et des drogues que les personnes au QI plus bas. Je l'ai toujours pensé, je l'ai toujours su inconsciemment. Voici trois études qui devraient totalement bouleverser la manière dont nous associons l'intelligence au comportement quotidien. Les gens intelligents vivent la nuit. Ben merci de me le dire. Dans une autre étude publiée dans Personality and Individual Difference, des chercheurs ont émis une hypothèse suivant laquelle les personnes à l'intelligence élevée ont tendance à adopter des comportements inédits et d'avant-garde. D'après cette étude, les personnes avec un QI élevé lors de leur enfance et de leur vie adulte se couchent en moyenne 30 minutes après les personnes d'intelligence normale et une heure après celles de faible intelligence. De la même manière, elles se réveillent avec un décalage identique. Et ces horaires se vérifient tant le week-end qu'en semaine. Moi, par contre, je me couche tard et je me lève tôt. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? La corrélation proposée par l'étude ne peut y être plus claire. Plus le QI est élevé et plus on se couche tard. Et ces résultats proviennent de l'étude sur 20 000 personnes. C'est pas une étude de 3 personnes. C'est réel. Donc, si vous ou vos enfants avez l'habitude de veiller tard et que vous ne parvenez pas à vous en défaire, c'est probablement une bonne chose. Plutôt que de vous obliger à vous coucher à l'heure, essayez plutôt de faire quelque chose de créatif durant ce temps additionnel de veille. Ben moi, je m'excuse, mais c'est exactement ce que je fais. Des fois, il y a des gens qui me disent « Comment tu fais pour arriver à faire ce que tu fais? » Ben c'est parce qu'il y a comme un troisième quart de nuit que la plupart des gens n'utilisent pas. Ben moi, ben, je ne l'utilise pas à chaque jour. Là. Je dis pas qu'à chaque jour, je dors pas. Mais très, très régulièrement, je vous dirais, à moitié de la semaine ou presque, la moitié de la nuit, ben je travaille, je fais quelque chose de créatif. Puis aussi, je relaxe, je fais aussi rien. Parce que sinon, tu n'as jamais le temps, quand tu travailles, de rien faire. Sinon, en tout cas, je sais pas, t'as une bonne, t'as une femme de ménage, t'as quelqu'un qui fait tout à ta place, je sais pas. Mais en tout cas, autre point ici, les gens intelligents se droguent plus. Les gens intelligents ne se contentent pas de veiller tard, ils semblent aussi plus enclins à essayer des drogues en tout genre. Cela semble fou, pas vraiment. J'avoue que ça m'a initialement paru incompréhensible. À moi aussi, certaines des personnes les plus stupides que je connaisse fument et boivent à outrance. Mais en moyenne, si votre QI est élevé, vous êtes plus enclin à expérimenter avec la drogue. Selon une étude du NCD, le National Child Development, publiée dans Psychology Today, les gens possédant un QI élevé durant leur enfance et leur vie adulte sont plus enclins à expérimenter avec des drogues psychoactives que les gens au QI bas. Pourquoi? C'est car les drogues psychoactives sont du point de vue de l'évolution inédite et différente du comportement normal de nos ancêtres. Ben oui, on n'a pas parlé ici, hein? C'est des drogues psychoactives. On n'a pas parlé de grosses drogues comme l'héroïne, etc. Là. Non, non, on parle de différentes expériences. Les personnes intelligentes aussi font plus l'amour. Je crois qu'une vie sexuelle ouverte et libérée va de pair avec une capacité accrue à l'introspection et à la pensée rationnelle qui requièrent tous deux un certain niveau d'intelligence. Car si une vie sexuelle libérée est le signe d'une vie émotionnelle saine et équilibrée, il ne faut pas oublier que la bonne morale sexuelle est purement subjective et que les gens intelligents savent l'outrepasser de manière rationnelle. Les gens ambitieux le sont dans toutes les disciplines, y compris leur vie sexuelle, qu'ils veulent aussi satisfaisante que leur vie. Il ne faut donc pas confondre corrélation et cause. Cela ne signifie pas qu'en se couchant tard et en se droguant et en utilisant des jouets sexuels, vous serez plus intelligent. Ça, on comprend. Si vous pensez ça, déjà, on jase pas ensemble du même vocabulaire. Mais il semble que les gens naturellement plus intelligents s'adonnent à ces activités car elles les attirent. Peut-être est-ce une conséquence de leur ouverture d'esprit, de leur tendance à passer autrement, ou bien un besoin biologique de nouvelles expériences. Moi, je pense que c'est beaucoup ça, hein? C'est le besoin biologique de nouvelles expériences. Il est probable que si vous lisez ces lignes, vous avez déjà tendance à vous coucher tard et à profiter de la vie. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, et cela pourrait même être la conséquence naturelle d'un QI au-dessus de la moyenne. Ces trois études bouleversent totalement ce que l'on pensait savoir sur l'intelligence développée. Visiblement, les intellos sont ceux qui s'amusent le plus. Je crois qu'il est temps que l'on range nos vieux stéréotypes au placard et qu'on s'allume un joint. J'ai pas dit ça, il a pas écrit ça, là. Non, c'est n'importe quoi. Ce journaliste doit interrompre son direct pour appeler la police après un braquage. Eh bien oui, des fois, il faut s'arrêter. C'est ce qu'a fait un journaliste sur la chaîne KIMT News aux États-Unis et qui était en plein direct. Adam Salette s'apprenait à fournir des informations aux téléspectateurs sur l'enquête d'un braquage d'une banque de Rochester dans le Minnesota devant laquelle il se trouvait justement. Mais au moment où il commence son direct, on aperçoit un homme courir vers la caméra. Il s'agit d'un des employés de la banque informant le journaliste qu'un homme situé à proximité n'est nul autre que le braqueur de la veille. « Hey, oh, c'est le voleur !» s'est exclamé le journaliste avant de préciser qu'il interrompait le direct pour appeler la police, comme le montre la vidéo ci-dessous. Selon KIMT News, le suspect a été arrêté par la suite alors qu'il tentait à nouveau de rebraquer la banque. Bravo, champion! Ouais. Et puis tiens, tant qu'à être dans les vols, j'ai le goût de vous envoyer ici les 7 voitures, c'est ça, 84? Oui, les 7 voitures les plus volées par les voleurs, OK? La numéro 7, c'est la BMW série 1. Eh bien, 84 voitures volées pour 10 000 voitures assurées. La numéro 6, la Citroën C8. Sûrement pas bien au Québec, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Citroën C8. Mais 89 voitures ont été volées pour 10 000 voitures qui sont assurées. Une Porsche Cayenne. Ça, j'avais déjà entendu dire que c'était un des modèles les plus volés au monde. Eh bien, 93 voitures volées sur 10 000 voitures assurées. En quatrième position, la Renault Mégane. On dit 102 voitures volées pour 10 000 voitures assurées. En troisième position, la BMW X6. 183 voitures volées sur 10 000 qui ont été assurées. La Smart Fort 2. C'est une belle voiture, une petite voiture, et qui est très souvent volée. 200 voitures volées sur 10 000 qui sont assurées. Et finalement, la voiture la plus volée de tous les temps, eh bien, ça, c'est européen, ça, c'est clair. C'est la LED. Et pour vrai, moi, j'en ai pris quelques-unes quand j'étais en Belgique. La dame chez qui je dormais aussi en avait une. C'est la fameuse Renault Twingo 1. Ben oui, bizarrement, la voiture la plus prisée des voleurs, c'est la Twingo 1. C'est une voiture vraiment LED, minuscule. C'est un petit char, genre de Toyota Yaris, là. On pourrait dire, mais plus laide. Mais quand même, 229 voitures volées pour 10 000 assurées. J'aurais cru, moi, que les voitures de luxe étaient beaucoup plus prisées par les voleurs, mais semble-t-il que non. Elle doit être facile à voler. Ça doit être pour ça, la Twingo. Sinon, élection municipale, un chat en tête des sondages dans une ville en Sibérie. Pourquoi pas? Hein? Un chat nommé Barsik est devenu une célébrité locale à Barnaoul, une ville de Sibérie, en devançant largement ses concurrents humains dans la magistrature pour la course à la magistrature de la ville lors d'un sondage en ligne. Les scandales de corruption à répétition qui touchent cette ville de 650 000 habitants ont probablement aidé Barsik, un Scottish Fold de 18 mois, à obtenir 91 % des intentions de vote dans un sondage du site d'information locale Altai Online. C'est environ 5 400 personnes qui ont répondu à ce sondage posté en début décembre sur les réseaux sociaux russes Vkontakte. OK. Les gens ne savent plus à qui croire et ils sont venus à la conclusion qu'on ne peut plus avoir confiance envers nos autorités. L'ancien maire de Barnaoul, Igor Savinsvev, a démissionné en août après avoir été accusé d'abus de pouvoir. Maire depuis 2010, il aurait vendu des terrains municipaux à des entreprises dirigées par des membres de sa famille pour des coûts bien inférieurs à ceux du marché, provoquant un manque à gagner de plus de 11 millions de roubles pour les caisses de la ville. Son fils, Maxime, est pour sa part en détention dans l'attente d'un procès pour fraude et escroquerie après avoir été extradé de Thaïlande en février. L'élection du maire aura lieu le 22 décembre prochain à l'occasion de la prochaine réunion du conseil municipal. Le chef de l'administration régionale, Sergueï Dougouin, est l'autre favori des sondages parmi les 6 candidats officiels. Par contre, si le chat a récolté 91 % et qu'il y a 6 autres candidats officiels, c'est quoi? T'as 2 % puis c'est toi qui mènes? Les gens pensent que ceux qui sont en poste ne savent pas faire face à leurs responsabilités. Les gens doutent de leur compétences et ont raison de le faire, a déclaré l'un des organisateurs du sondage préférant garder l'anonymat. Une campagne de financement participatif a depuis été lancée pour permettre à Barsik d'avoir ses propres affiches électorales dans le centre-ville de Barnaoul. Altai Online espère également que Barsik, avec l'aide d'un journaliste, pourra poser une question au président Vladimir Poutine lors de sa conférence de presse annuelle qui est prévue ce jeudi. Je suis sûr que cela attirera l'attention et permettra de résoudre nos problèmes locaux et d'attirer des investisseurs, a écrit l'Altai Online mardi, affirmant citer Barsik. Une histoire à suivre. Donc, le 22 décembre, on saura qui deviendra maire de cette ville de Sibérie. Hein? Ben oui. Êtes-vous en train de vous transformer en zombie? Hein? Démarche traînante, gémissement et envie de chair fraîche. Aïe, vous êtes vraisemblablement en train de vous transformer en zombie. Mettez en garde la vénérable et très sérieuse revue British Medical Journal. Ce diagnostic, pour le moins surprenant, provient d'un article intitulé « Infection, zombie, épidémiologie, traitement et prévention ». Cet article, publié dans la dernière édition de BMJ, est à prendre évidemment au second degré. Signé par l'épidémiologiste Tara Smith, l'article décrit avec un luxe de détails et une rigueur toute scientifique un processus de zombification dans un monde menacé par une apocalypse, de mort-vivant. Le redoutable virus à l'origine de cette transformation, dit-elle, se transmet essentiellement en cas de morsure par une personne infectée, mais également plus rarement par piqûre d'insectes ou même morsure d'animaux. Les symptômes se développent ensuite sur une période allant de quelques secondes à plusieurs jours ou même plusieurs heures. Les personnes infectées, explique Tara Smith, ont des tendances agressives, un goût prononcé pour la chair humaine, mais aussi une démarche traînante et une nette propension à gémir, sans oublier un corps ayant une fâcheuse tendance à pourrir et à se disloquer. Eh bien oui, on est sûrement tous en train de se transformer en zombies. En vidéo ici à voir, Quentin Tarantino est furieux contre Disney et Star Wars. Tarantino pense que Disney essaie de le baiser. Non, c'est ce qu'il a dit. Donc, Quentin Tarantino en a marre du phénomène Star Wars, mais pour une raison très précise. Il a été invité du talk show d'Howard Stern mercredi 16 décembre et le réalisateur de Pulp Fiction a raconté avec quelques gros mots sa mésaventure avec Disney, qui est propriétaire de la fameuse saga. Hein? OK. Comme le montre la vidéo au-dessus de l'article, le dernier film de Tarantino, qui s'appelle « Les 8 salopards », devait être projeté dans un cinéma mythique de Hollywood, le Cinérama Dome, à partir du 25 décembre, et ce, pour 2 semaines. Mais Disney aurait fait pression sur les propriétaires pour prolonger la diffusion de son film « Star Wars, le réveil de la force », diffusé quelques jours auparavant, ce qui a provoqué la colère de Quentin Tarantino, qui a donc estimé que Disney faisait tout pour le baiser. Un très, très joyeux Noël à Mickey. Hein? On peut dire ça? C'est drôle, je trouve. ici, touche pas à mon poste. C'est quoi ça? OK. Tiens, on va aller en musique. On est rendu là. Ça va faire du bien de se changer les idées. On va écouter la pièce. Oui, on va faire la version remix de Étienne Daou. Ah oui, on en profite, là. On est jeudi, on va danser. Alors, on se met ça. Du mal à jube, mais électro. Non, c'est pas Elton Daho, celle-là. C'est Fille à plumes qu'il faut. Sinon, on aurait trouvé ça calme en maudit. Let's go! Présentement, les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Des fois, je sais pas pour certains, là, moi j'ai aucunement ce fantasme-là, mais ils se mettent tout nus puis ils se mettent de la bouffe partout sur le corps. Là, c'est une grosse pointe tendresse. Ah, ok. Ah, il me semble. C'est une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on achète un produit en magasin, en épicerie, en dépanneur. On dépense notre argent sur des choses malsaines. Make it rain, money! Make it rain! Et on en parle, on en jase, on en bouffe, comme on l'appelle. Aujourd'hui, Tania, comme tu as pu remarquer, je suis allé voir la toujours adorable Roxane à la Chasse-Galerie pour prendre un petit peu d'eau chaude. Mm-hmm. Parce qu'on a besoin de ça pour, pour faire la concoction de mon produit. J'en ai amené quelques-uns et toi aussi, je sais que tu as des produits. J'en ai un. C'est ça. Donc, on va pouvoir se faire un bon gros, là, une grosse pointe d'adresse. C'est ouais. Fun, ça. Donc, moi, ce que je te prépare pour aujourd'hui, ça m'intriguait beaucoup quand je l'ai vu. Ça m'a l'air nouveau parce que je ne l'ai jamais vu avant. Okay. C'est le chocolat chaud Starbucks au caramel salé. C'est pour ça que t'as amené l'eau chaude? C'est pour ça que j'ai amené l'eau chaude. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me rends joyeuse. Pourquoi t'as amené l'eau chaude? Non, non, c'est parce que je veux que tu boives de l'eau chaude et que tu te prises la poudre dans la gueule. Tu vois, j'ai sacré sans faire exprès. Que tu sacres la poudre dans la gueule. J'ai jamais sacré en nom. Ouais. Donc, ça dit chocolat riche et velouté avec une pincée de sel de mer et un soupçon d'arôme naturel de caramel. J'ai out. Il y a 8 enveloppes dans l'emballage. OK. Quand même. C'est fabriqué à partir de cacao de source éthique, donc Ethically Sourced Cocoa. Cocoa. Starbucks.ca/responsibility/sourcing/cocoa pour en savoir plus. Donc, les directives disent de mélanger une tasse de lait chaud. Ah, de lait chaud. C'est pas grave, on va y aller avec de l'eau, on est allergique au lactose. C'est vrai, mais j'avais pas pensé au lait chaud, j'étais certain que c'était avec de l'eau. Est-ce que tu penses qu'on devrait prendre le temps d'aller chercher du lait chaud? Ça se fait, ça. En moins, tu veux faire ça? Ça se fait, ça. Est-ce que tu veux qu'on fasse l'autre produit pendant ce temps-là puis qu'on aille chercher du lait chaud? Ça pourrait être bon, hein? Pas sûr? Je suis pas certaine. Tu prends du latte à toutes les semaines puis tu te plains jamais de ça? Ben, ça dépend. Moi, honnêtement, j'ai de la difficulté le chocolat chaud avec du lait. Ah, OK. Ah, donc ça serait peut-être meilleur avec de l'eau. Ouais. On peut l'essayer. OK. On l'essaye. Donc, une tasse d'eau avec un sachet de mélange pour chocolat chaud Starbucks, remué soigneusement et dégusté. Comme assez simple. C'est préparé avec de l'équipement qui traite également des arachides, des noix, des œufs, du froment gluten et des graines de sésame. Ils font bien des choses, eux. Du froment gluten. Du froment gluten. Oh, c'est fancy. Donc, caramel salé, tu vois qu'il y a du chocolat. Il a l'air d'être... c'est pas marqué s'il est au... C'est pas marqué si c'est au lait. Ah non? Le chocolat. Ah, je sais pas. C'est pas, pas spécifié, hein, sur la boîte. Mais ça a l'air d'être du chocolat noir. Ça dit, l'attrait du caramel, son essence consiste à tenter et séduire. Ajoutez à cela une pincée de sel de mer, une gâterie de confiseur directement dans votre tasse. Si tu dis qu'on devrait laisser avec de l'eau chaude, on va laisser avec de l'eau chaude. Donc, on va ouvrir la boîte de ton côté. Tania, je t'envoie ça. Oui. Attention. Flou. Voilà. Hein, c'est pas pire. Dans le micro magique, Mathieu? Oui, le micro magique, bien sûr, après être passé par le corridor sécuritaire du studio. Oui, c'était très sécuritaire. Tout à fait, j'y ai juste tiré qu'il y avait... à boîte. J'ai fait glisser sur le bord de la console, mais elle est fermée, c'est correct. C'est super sécuritaire. On est prêts? Oui, je te cache au Starbucks. Allons-y. Moi, puis ouvrir des boîtes ou des sacs dans vie. Toi et le talent. Moi, puis ouais, non, honnêtement, ça fait deux. Hey, elle est difficile en plus, c'est plus pour ça. Okay. C'est... très bien collé, très bien fermé. OK, on y va? Oui. On est prêt? Wow! Ça, c'est de la colle intense. Ça, je pense là... que leur usine fabrique de la colle aussi. Je pense que oui, parce que la bande de colle qu'il y avait là-dessus... Veux-tu que j'ouvre un sachet de chocolat chaud? Oui, oui, oui, un sachet. Ça. Comme on dit, brasse-toi la poche tout le temps. C'est si bien dit. Là, faut que je me retienne pour pas sacrer, parce que j'ai sacré. Ouais, je sais. Mais une première fois à tout, hein. On est prêt? Pour une fois, j'ouvre les choses correctement. Ça tombe pas partout. Non, non, c'est ça, fais attention. Là, on a vu aussi... Oh mon Dieu, ça que ça sent chocolaté. Prends ton autre micro, s'il te plaît. Dans le verre d'eau qu'on a, on demande de mettre une tasse de lait. On a, je crois, plus qu'une tasse d'eau. Veux-tu verser l'équivalent dans un autre verre, s'il te plaît? C'est de la chimie. Je vais faire ça immédiatement. J'ai l'impression que ça va être trop, sinon. Est-ce qu'on en fait un et après ça, on le teste avec du lait ou on fait les deux avec... On pourrait faire ça. On rappelle qu'on goûte le Starbucks chocolat chaud au caramel salé. Nathania fait de la chimie présentement. Oui, une vraie scientifique, une vraie Justine Renaud. Une vraie Justine, c'est parce qu'elle n'est pas avec nous ce matin, c'est alors je me prends pour Justine quand elle est là. Tellement. Justine, je te rends hommage, si tu écoutes. C'est beau, là, c'est beau. Là, est-ce que je dois mettre tout le sac? T'es supposé mettre le sac au complet, oui. OK. J'y vais. On fait de la recette, c'est comme un Ricardo, mais... On n'a pas vraiment de petits bâtons pour brasser, par contre. On n'a pas de bâtons. Hey, je suis vraiment pas prévoyant. Je peux quand même te dire que c'est en spécial en ce moment chez Métro pour 7$ en rabais découverte. Ça vaut 8$ habituellement pour les 8 sachets. C'est environ un sachet par... Je vais t'avouer que ça aurait peut-être pris un petit bâton. Tania, s'il te plaît, peux-tu aller, pendant que je fais des nouvelles, va nous chercher un verre de... comment est-ce qu'on va faire pour faire du lait chaud? Je sais pas, on peut pas... va être compliqué, hein? Ouais. Moi, je dis qu'on devrait l'essayer juste avec l'eau. OK, va chercher un bâton pendant que je suis là. Ouais, c'est ça, je vais faire ça. Cette chronique-là pourrait être facilement mieux préparée. Donc, on va parler de Tim Hortons un petit peu. Il y a des pétitions pour que Tim Hortons utilise des verres compostables. Ça commence à vraiment devenir populaire. Les verres de Tim Hortons peuvent être recyclés selon le site de Tim Hortons. Donc, ça dit « Oui, le verre peut être recyclé, mais n'est pas accepté pour le recyclage partout en ce moment. Nous avons présentement des programmes dans plusieurs restaurants au Canada où on capture les verres de carton et d'autres emballages pour faire du compost et du recyclage. » Le nombre d'endroits où on offre ça continue de grandir avec le temps. Donc, une nouvelle initiative sur change.org, démarrée le 29 octobre, qui va très très bien. C'est par Olga Barcelo, une pétition qui s'appelle « Help us create a better world, use compostable cups Tim Hortons ». Donc, la demande est « En tant qu'icône du Canada et marque populaire, nous voulons changer les choses, même si vous dites que vos verres sont recyclables, elles ne sont pas recyclables partout ». Donc, pour ceux qui se demandent ce qu'est un produit compostable, c'est biodégradable, qui peut facilement être défait en particules et nourrir le sol pour aider à les arbres et les plantes à pousser. Et en plus de ça, un produit compostable va se dégrader en quelques mois. Donc, il ne produit pas de résidus toxiques. Donc, c'est la pétition qui demande ça pour Tim Hortons. Tania, de retour avec un bâton? Oui, j'ai amené un bâton et aussi, je sais pas si on va réussir à faire quelque chose avec ça, mais j'ai amené quatre petits gobelets. Janie, c'est excellent. Quatre petits gobelets de lait. Ils sont pas chauds, malheureusement. Non, mais ils sont tablettes. ouais, son température tablette. C'est parfait. Puis j'imagine qu'on va pouvoir goûter la différence simplement avec le lait. Oui, sûrement. Mais là, faudrait ouvrir un autre sac. Ça vraiment... va mal, ces chroniques-là, so far. Ben c'est ça, ben c'est pour ça qu'on achète tout le temps des sacs de quelque chose puis des boîtes de quelque chose, de tout fait, des bâtons. C'est tellement plus facile à faire qu'un chocolat chaud, mais je me suis dit, je vais varier, je vais faire ça fancy. Je vous avoue que ça se dissout vraiment bien. OK, quand même. Donc, c'est une bonne nouvelle. Oui. Et l'eau était vraiment chaude, là, vraiment bouillante quand on l'a eu. Puis, ça a l'air très consistant. Très consistant, même avec de l'eau. Génial. Ça a l'air comme très savoureux côté chocolat. Ah oui? Ben, je vais te laisser goûter de ton côté, okay. Si tu veux. OK, j'y vais. D'accord. Ça va être chaud encore, fais attention. Je vais te laisser goûter. Ah, OK. On en discute. Est-ce que tu viens me le porter? Oui. Merci, t'es trop gentil. On n'a plus de place pour se passer de la boisson. Merci, Tania. Je goûte. Mais c'est donc bien bon. C'est bon, mais on sent pas beaucoup le caramel salé, par contre. Absolument pas. Non, mais le caramel salé, c'est quelque chose qu'il n'y en a jamais assez, je trouve, dans les produits. On a goûté à plusieurs produits au caramel salé. C'est vrai. Commentaire qu'on a. On avait goûté à des biscuits au caramel salé, d'autres trucs comme ça. C'est jamais assez. On dirait qu'ils ont peur de brusquer en mettant trop. Mais les fans de sucré salé, c'est ce qu'ils veulent. Beaucoup de sel et beaucoup de sucre. Je trouve que c'est très, très, très chocolaté. Ça goûte un peu... ça me rappelle, le chocolat noir, mais pas trop foncé. Vrai. Vraiment borderline entre le chocolat au lait et le chocolat noir. C'est au début dans l'échelle du chocolat noir, je trouve. Mais c'est très, très bon. Je serais intrigué à savoir si ça goûte meilleur avec du lait, mais je pense pas que ce serait tant différent. Ben, c'est ça, crémeux. Je me disais qu'avec du lait, ça serait probablement peut-être même un petit peu plus sucré. Donc, à la limite du trop sucré. C'est pas mal bon, mais je sais pas si ça vaut le 8$ qu'ils demandent d'habitude. Je sais pas. Mais pour 8 poches, c'est quand même beaucoup 8 poches, on va se le dire. C'est une pièce la poche. Mais moi, je trouve que Starbucks, c'est plus luxueux que la moyenne, une pièce la poche, qui pourrait facilement descendre à 6 poches pour 6$. Oui, je suis d'accord avec toi. Je trouve que 8, ça fait une boîte, un investissement quand même assez majeur pour une chronique comme celle-ci. Vrai. Mais je suis prêt à prendre le blâme pour ça. Est-ce que tu serais du genre à l'essayer avec un peu de Belay's dedans? Mais hein? À vous. Ah, c'est un excellent point. Ça viendrait peut-être un petit peu calmer le sucré. Mm-hmm. Peut-être, même si le Belay's est quand même sucré aussi. J'irais peut-être avec quelque chose un petit peu plus... un petit quelque chose à la menthe. Ouais. Quelque chose comme ça. Oui, Peut-être avec une petite biscottie trempée. Un petit peu de crème de menthe, mettons. Un petit peu de crème de menthe, c'est vraiment cool. Ouais, je suis d'accord. J'irais avec ça. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Pouce en l'air, de ma part. Un pouce en l'air. D'autres nouvelles de fast-food avant de passer à un autre produit, un des tiens. D'accord. Donc, Dunkin' Donuts qui teste la commande par sans fil et la livraison aux États-Unis. Ah, pas vrai? Oui. Donc, plutôt cette année, Starbucks a commencé à faire des commandes en ligne aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada. Tim Hortons a une application aussi pour ça, je crois. Donc, leur rival Dunkin' Donuts qui arrive, selon Bloomberg, débutant en ce moment au mois de décembre. On teste la commande pour emporter le service de livraison dans 124 Dunkin' Donuts à Portland, dans le Maine, qui permet aux gens de commander à l'avance sur une application sur téléphone cellulaire. Et on dit qu'on teste 19 restaurants à Dallas pour la livraison à la maison. Et ensuite, on va commencer à faire ça à Atlanta, Chicago, Los Angeles et Washington. Chez Tim Hortons, on ferme 20 restaurants aux États-Unis, malheureusement. Quand même malheureux, c'est un plan sur 5 ans que Tim Hortons avait pour dominer les États-Unis. Malheureusement, plusieurs Tim Hortons ont fermé dans l'État de New York et dans le Maine. Selon plusieurs reportages via The Consumerist, 21 places ont fermé, 15 boutiques à New York et 6 dans le Maine. Apparemment, un client de Tim Hortons dans Portland était en train de savourer sa boisson des dieux. Quand l'endroit a fermé, on lui a littéralement demandé de quitter. Il y avait des gens qui étaient en train de manger leur dîner. Donc vraiment, il restait lui et son ami dans la place. Ils ont dit, ils ont fermé les lumières, ils leur ont dit de partir. Aucun avertissement à l'équipe qui travaillait là-bas non plus. On a juste fermé les portes. Est-ce que tu crois que c'est dû à la trop grande popularité de Starbucks aux États-Unis? Probablement. Tim Hortons voulait leur faire concurrence, mais ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Il y a un nouveau bang qui arrive chez Tim Hortons. Je sais pas si vous avez vu ça, si c'est disponible au Canada. Moi, je l'ai vu sur le site canadien insightimmunity.com. Donc, j'imagine que ça commence déjà à être disponible. C'est le Dirt and Worms Donut. Donc, c'est un bang qui ressemble à de la terre. OK. C'est des miettes d'Oreo sur le dessus qui jouent le rôle de la terre. Et ensuite, il y a 3 verres de terre en jujube placés au milieu du bang pour avoir l'impression de sortir du bang. C'est peut-être pas le menu le plus santé, mais quand même, $1.49 canadien. Dirt and Worms with Oreo. Est-ce que tu l'as vu passer? Non. Parce que t'en mangerais un, c'est clair. C'est sûr. Avec les verres de terre jujube, miam. Mmh. Toujours chez... non, pardon, je pense que... Non, Tim Hortons... tiens, oui, voilà. Donc, Tim Hortons, le service à l'auto a commencé à faire des bugs. Donc, l'employé s'est assis sur une chaise à l'extérieur pour prendre des commandes. C'est vraiment être commis... C'est être dévoué, hein? Dévoué, c'est voilà. Tu le veux, ton paycheck, à la fin de la semaine. Exactement. Donc, le service à l'auto ne s'est pas réveillé ce matin-là. Et donc, un employé nommé Besnikov a pris ça entre ses mains. Il y a une photo passée sur Instagram. Il a pris une chaise en bois de l'intérieur du restaurant. En métal, je pense. Et s'est assis dans le parterre, la petite bande de terre à côté du service à l'auto. Et ça mérite donc probablement le prix de l'employé du mois. Clairement. Moi, je lui lève mon chapeau. Ah! Ensuite, on a parlé de recyclage de verres tantôt pendant que t'étais parti. Je parlais qu'il y avait une pétition pour demander à Tim Hortons de faire des verres compostables. OK. Donc, l'émission Marketplace sur la CBC, c'est un peu un équivalent de la facture de ces magazines-là sur Radio-Canada. Donc, c'est une enquête chez Tim Hortons et Starbucks par rapport à leur programme de recyclage et les verres jetables. Donc, les Canadiens boivent 14 milliards de verres de café par année. C'est vraiment beaucoup. Donc, pour tester, pour savoir où s'en allaient les verres, donc si c'était vers une usine de recyclage ou une fourrière, là, comment ça s'appelle ça? Une fourrière de verre? Non, voyons la place où on met les poubelles. Un dépotoir. Oui, dépotoir. Donc, Marketplace a arrangé ses verres en mettant dans 14... dans 14... Non, c'est pas ça. Ils ont pris 28 petits appareils GPS. Okay? Oui. Ils en ont mis dans 14 verres Tim Hortons et 14 verres de Starbucks. L'équipe de Starbucks a réussi à retrouver... c'est super mêlant un peu, là. Oui, ils ont réussi à retrouver 7 verres de chaque chaîne pour savoir qu'ils étaient amenés, finalement, au dépotoir et non pas au recyclage. Avec plusieurs autres trucs à recycler, ça finit au dépotoir. Il y a des rumeurs qui couraient depuis des années. Il y avait des enquêtes là-dessus. Il y a pas mal de recyclage qui finit directement au dépotoir. J'ai vu littéralement, en tout cas, je veux pas les accuser de rien, là, mais j'ai vu, tu sais, les poubelles doubles, c'est comme des containers. Ouais. Divisant en deux, que t'en as un, c'est recyclage, l'autre, c'est poubelle. Oui. Je les ai vus littéralement se faire domper dans le même camion près de chez nous récemment. Oups. C'est vraiment ça qui se passe en 2015. C'est pas fameux, hein? Donc, les deux compagnies ont refusé de commenter. Apparemment, Starbucks a écrit qu'ils étaient commis, donc dévoués à recycler leur matériel qui était supposé être recyclé. Ça dit qu'ils ont refusé de commenter sur l'étude, mais ils avaient, j'imagine, commenté ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important à dire? C'est pas mal ça, mais bref. Ça pour dire que c'est pas parce que c'est recyclable que ça va être recyclé. En effet. Il y a un couple qui s'est marié dans un Tim Hortons. Ah ouais? Donc un couple de l'Alberta, Greg Arlett et Adonis Wiseman qui se sont mariés dans un Tim Hortons de Lethbridge récemment. Donc le couple voulait s'en aller au Mexique, mais les plans se sont écroulés. Donc à la place, ils ont décidé de rendre leur journée encore plus spéciale en allant dans une boutique la plus canadienne possible, évidemment un Tim Hortons, avec leurs vêtements de leur équipe de hockey préférée, les Oilers d'Edmonton pour Greg et les Canadiens de Montréal pour Adonis. Le couple... Le couple dit toujours avoir un verre de Tim Hortons avec eux. Ils se sentent nus sans leur café. Et on aime tous les deux le hockey du style, donc Tim Hortons avait bien du sens pour se marier. Un petit reportage sur, en vidéo sur assemblagehockey.com. Bonne idée. Ouais, très bonne idée. Très romantique. Super, quel thème. Vous pouvez avoir un café, un bain gratuit, pardon, chez Tim Hortons si vous payez avec Interact, savais-tu ça? Ah ouais? Tim Hortons et Interact, Interact avec un C, ont augmenté leur relation et donc maintenant qu'ils ont Interact Flash partout, donc Interact Flash, le truc avec la petite vague là, qu'on peut un peu à la PayPal, ça, c'est la même chose. Donc une façon plus rapide de payer sans avoir à composer son NIP. Et évidemment, pour rendre ça encore plus populaire, Tim Hortons donne un coupon gratuit pour un bain classique lorsque vous utilisez votre carte Interact pour payer. Situé sur le coupon, ça dit que ça n'a pas de valeur monétaire, que c'est nul là où, prohibé. Ouais. 4 novembre 2014 au 1er décembre 2015, donc c'est terminé pour l'instant. C'est une nouvelle promotion qu'ils faisaient en début de mois et en fin du mois de novembre. Un homme est entré par effraction dans un Tim Hortons de la Nouvelle-Écosse pour faire du café. Hein? Oui, une nouvelle absolument étonnante. Selon le Hamilton Spectator, un homme de 22 ans est rentré par infraction dans un Tim Hortons en Nouvelle-Écosse, non pas pour voler de l'argent, mais pour se faire lui-même un café et en fait faire un cappuccino glacé. Deux employés de Tim Hortons sont arrivés au travail vers les 4h du matin pour voir que le comptoir du restaurant était tout crotté, tout en désordre. Ils ont appelé la police. Ils ont dit que quelqu'un était entré par infraction. La police dit que l'homme s'est fait un café. Essayer de se faire un cappuccino à ce moment-là, mais malheureusement, il a créé un grand dégât, probablement parce qu'il ne savait pas comment se servir de la machine. Probablement. Le suspect est parti, a été arrêté à une épicerie locale, et la police dit que probablement qu'il y avait de l'alcool autour de tout ça. Ah, évidemment. D'alcool. Il n'y a pas d'argent qui a été volé, il cherchait juste quelque chose à boire, et aucun employé ou beigne a été blessé pendant cette infraction. Une autre nouvelle de café, c'est chez Starbucks à Londres, qui a des caisses enregistreuses. Caisses enregistreuses, oui. Sans fil. Sans fil, comme dans il n'y a pas de queue de fil pour attendre. Ouais. Et des stations de recharge sans fil. Ah. Ici. Donc, Tim Hortons a révélé son restaurant du futur l'an dernier avec des espaces ouverts, des tables vraiment cool, de la bière, des bains impressionnants et un paquet de technologies. Donc, Starbucks, un de ses principaux compétiteurs, a montré l'expérience qui ressemble un petit peu à ça au Royaume-Uni. Ça sent bien pour les années à venir. Selon Engadget, Starbucks prévoit réduire la file, la ligne d'attente, en enlevant les caisses enregistreuses avec des baristas à la place qui vont avoir un système de terminal de paiement sans fil. Et les clients vont pouvoir utiliser l'application Mobile Order and Pay de Starbucks pour passer par-dessus la ligne d'attente. Ça s'appelle Reserve Bar, avec un design intérieur complètement différent aussi, séparé en deux, avec des sièges, des tables sur le côté gauche et une cuisine ouverte à droite. À droite. Les tables sont remplies de points de chargement pour les téléphones cellulaires, donc on peut prendre le connecteur approprié et brancher son téléphone après ça. Et c'est ça, c'est à peu près ça pour Starbucks. Mais c'est beau! C'est bien. Très futuriste, les comptoirs sont marbrés, les bancs sont en genre de bois un petit peu comme usé pour faire comme vintage. Ça fait steampunk, là, tout a l'air d'être comme en cuivre, les sièges et les... je sais pas si c'est quoi, c'est des verres, je crois, qui sont sur le dessus, sur le comptoir, en cuivre. En tout cas, couleur cuivre, c'est quand même assez joli. Ensuite, du vin pour emporter pour aller avec votre chocolat, peut-être pendant les fêtes. Ça s'appelle le Wine to Go, c'est une bouteille de vin pliable. Vino Mio Foldable Wine Bottles. Donc c'est ça qui est en test sur le blog de Chocolate Cult. Ils disent l'avoir testé avec du chocolat. Ça va apparemment très très bien, du vin et du chocolat. J'avoue que j'ai jamais vraiment fait le test. Mais c'est des petites pochettes de vin pliables, faciles à transporter dans une sacoche. Et on peut juste simplement ouvrir le bouchon et verser son verre dans une coupe. Allez voir la petite critique sur The Chocolate Cult. Ensuite, pour les amateurs de Spam ou au Canada du CAM, je sais qu'il y a une différence entre les deux. On m'a dit qu'il y avait une différence dans la recette entre le Spam et le CAM, mais ça reste la viande en canne avec une petite clé pour l'ouvrir. Et maintenant, tu as des collations Spam Snacks. Oui, oui, great for on the go, parfait pour sur le pouce. Donc, il y a des Spam Snacks Dried Spam Bites, donc des bouchées de Spam séchées à saveur de bacon. En fait, non pas à saveur de bacon, c'est marqué sur le sac « fait à partir de bacon ». 10 grammes de protéines dans ce cas-là. Et t'as aussi la version au teriyaki. Donc deux versions de Spam Jerky, si on veut. Un peu comme du beef jerky. C'est intriguant. J'aimerais l'essayer. Je penserais pas qu'on ait ça au Canada bien rapidement. J'ai entendu dire qu'il y avait du Spam à quelque part, il me semble. Dans une épicerie à quelque part. Bref. Intriguant. Vous pouvez fabriquer vos propres barres de chocolat pour les fêtes. Excellent cadeau de Noël, c'est le Easy Chef Chocolate Bar Maker de la compagnie Moosters Pty Limited via le programme Amazon Vine. Donc sur Amazon, c'est trouvable. Donc c'est un kit pour faire vos propres barres de chocolat. Ça inclut vraiment tout ce qu'il y a sur la boîte. Donc pour faire fondre et créer vos barres de chocolat. Donc le chocolat est inclus, c'est ça? La photo est très très petite, attention, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Ça va fondre dans le micro-ondes pour suivre votre moule. Vous avez qu'à ajouter des petits bonbons qui sont inclus. Il y a des petits réservoirs de la forme que vous voulez faire votre barre de chocolat. Donc tout ça sans BPA, facile à faire fondre et à créer. L'article est vraiment long, là, juste de partager les informations nécessaires. Gros moule, petit moule, moyen moule, pour faire votre propre barre de chocolat. Voilà. Il y a même des autocollants pour faire votre propre emballage. Il y a un petit livre d'instruction aussi. Donc, pour faire vos barres de chocolat pendant les fêtes, ça pourrait être cool. En effet. T'es-tu prêt? Si je suis prêt pour? Pour le produit! Le produit, ton produit, oui, allons-y, t'as raison de m'empêcher de continuer. Ton produit, Tania, pour une grosse boîte adresse, qu'est-ce que c'est? Ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. On parle de Noël. Oui. On parle du temps des fêtes. Uh-huh. C'est pas... Le produit en tant que tel n'est pas nécessairement un produit qu'on a jamais goûté, okay. Mais cette saveur-là, ce sont des Oreos à saveur de canne de bonbons. Ah, je l'ai jamais vu. J'en ai vu plein, mais pas celui-là. C'est pas vrai? Cool. C'était le dernier qui restait sur l'étagère. Ça doit être populaire, donc. Ça doit. Ben, tu sais, tout le monde sait c'est quoi les Oreos, bien évidemment. La crème, elle est rouge, donc j'ai hâte de voir si ça va goûter comme les peppermint ou quoi que ce soit. C'est une série limitée, bien évidemment, c'est pour le temps des fêtes. Et même l'emballage, là, est vraiment cute. On va devoir s'y mettre à plusieurs pour la terminer, je crois, parce que c'est pas refermable. Ah, OK. Ah, c'est pas celui avec un petit truc collant sur le côté? Malheureusement. Ben, voyons donc, toi, ça me surprend, ça. Je suis triste. Ça me surprend beaucoup, en fait. Mais bon, on disait qu'on parlait pas des valeurs nutritives, alors je vais sauter parce que automatiquement on bosserait notre diète. il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre à dire. Hein? C'est des biscuits à Oreo ou à la canne de bonbons, série limitée. Je me demande si ça va goûter un petit peu comme celui au gâteau de fête avec des petits sprinkles dedans. J'avais pas goûté. Mais non, ça a l'air bon. J'y vais dans le micro-magique? Oui, dans le micro-magique, s'il te plaît. Oh my God! Ça sent... Ça sent comme les Oreos à la menthe, un petit peu. Okay. Donc, j'imagine que c'est à la peppermint. Ah, c'est tellement rose à l'intérieur, c'est incroyable. Est-ce que je vais en prendre un? Oui, prends-en un pendant qu'on accueille Samuel Girard de Génie en Liberté qui va goûter avec nous tout à l'heure ses biscuits aux cannes de bonbons. Et Oreo. Je te le prête dans le corridor sécuritaire. Corridor sécuritaire magique. Et quand il faut vraiment se lever, oh, merci beaucoup. Et crème, OK. On a failli échapper les Oreos. Jamais de la vie. Samuel, l'odeur, qu'est-ce que tu en penses? C'est bizarre. OK. Ouais, hein? Là, j'ai peur pour le goût, là. Ouais, moi aussi, on dirait. On est encore le matin, faut pas trop... pas trop en demander. Ouais, c'est ça, on est habitués, nous autres, on est des professionnels de goûter des produits. Le jeudi. C'est ça. Ouais, moi, je suis pas un professionnel. Est-ce qu'on l'ouvre en deux ou on croque directement dedans? Tu croques directement dedans? Ah, c'est oui. Fait de même. OK. Mais personne mange ses Oreos comme ça. Faut pas y aller contre nature. Moi, je les mange de même. t'es tellement conservateur, Samuel ouais, Girard. Excusez. Ça recommence, matin. De droite, tellement de droite. Je trouve vraiment que ça sent les Oreos à la menthe. C'est vraiment ça sent la menthe. On croque. Je m'attendais à pire. Ça sent la menthe, mais ça goûte pas. Non, ça goûte vraiment la canne de bonbons, la peppermint, les petits bonbons rouges et blancs. Ouais, la canne de bonbons, là. Ça goûte ce que ça devrait, finalement. Bref, c'est pas le bon biscuit pour faire le mauvais coup d'enlever qu'est-ce qu'il y a entre les deux biscuits puis de rajouter de la pâte à dents. Non. C'est ça. La pâte à dents rose, de toute façon. Mais c'est plus rare. C'est vraiment fluorescent comme rose. Je sais pas comment ils ont réussi à faire du rose aussi flash. J'aime le goût. Moi aussi. Mais j'en mangerai pas le sachet complet. Non. Et le sac devrait clairement être refermable. C'est réussi. Une bonne recette. Je mets un point assez. Dans les airs. Un pouce dans les airs. C'est bien un très bon point. Un c'est assez. C'est vrai. On va avoir besoin d'aide pour en manger, je pense. Hein. Non, c'est ça que je dis. Ouais. Si jamais vous voulez des Oreos à la canne de bonbons, venez à la station. C'est intense, hein? Ça frappe. Ça reste longtemps, je pense. Bon, on va en avoir des dents pendant quelques minutes. Ouais, c'est sûr. Oreo à la canne de bonbons. C'est frais dans la bouche, la petite crème. C'est comme si on s'était brossé les dents, mais avec des cannes de bonbons. Crème à saveur de canne de bonbons. C'est ça, plus besoin de se brosser les dents le matin. On mange ça. Ah, problème réglé. Bien dit, Samuel. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Vous allez voir, c'est vraiment du dîner de cons, là, ça c'est total. 9 raisons pourquoi péter, oui oui j'ai bien dit péter, est la meilleure chose au monde. Non, non, mais gars, écoute, je le sais que c'est du rien puis c'est du n'importe quoi, mais je pense que dans l'univers où on habite en ce moment, hein, dans le monde ou l'époque où on vit, parler de choses aussi inutiles peut être utile. Donc, 9 raisons pourquoi péter est la meilleure chose au monde. Comme le chantait si bien Michel Rivard, « Libérez le trésor, libérez le trésor. » Hein, on s'en rappelle. Premièrement, qu'est-ce que ça provoque? Eh bien, du soulagement instantané. Rien de mieux pour chasser un mal de ventre que de lâcher un bon pet de magnitude de 8 sur l'échelle de Richter. Autre bonne chose, hein, c'est l'odeur. Hein. Tous les pets puent, on le sait, oui. Il y en a qui sont presque inodores. Mais tous les pets puent, ouais, sauf les tiens. C'est pas beau la vie, hein? C'est-tu pas bien fait? C'est magnifique. Il y a le bruit aussi qui est extraordinaire. C'est comme un petit concert privé qui sort directement de tes fesses. C'est magique. Un pet aussi, ça va faire rire ton entourage. Ça, c'est clair, ça marche à tout coup. Même avec les gens les plus distingués, là, eh bien, vous pouvez aller leur chercher un petit rictus au coin de la bouche. Un pet, qu'est-ce que c'est aussi? C'est sous l'eau. C'est pas intéressant, ça? Ben oui, ça fait des bulles. C'est comme un bain tourbillon portatif. Et ce qui est le fun d'un pet, c'est que tout le monde peut. Pas besoin d'une maîtrise pour péter. Tout le monde est capable, même les bébés, même les chiens. Même la plus belle des filles, quoique elle, on n'est jamais sûr hein, si elle pète les filles, surtout les belles filles, on n'est jamais sûr. Surprise aussi, un pet, ça provoque une surprise. Parfois, quand tu forces ou tu éternues, un petit pet réussit à se glisser. C'est comme un petit cadeau du ciel. Sérieux, l'article est très drôle. Hein? Un pet aussi, c'est du feu, hein? Si tu mets un allumette proche de ton fessier hein, et que tu pètes, il va se transformer en boule de feu. C'est pas un rot qui pourrait faire ça. C'est clair. Un rot, ça fait juste puer. Le pet produit du méthane. C'est merveilleux. En plus, un pet va chasser les indésirables. C'est la meilleure façon de vider une pièce et de parsemer de bonnes vieilles flatulences cette pièce. C'était les 9 raisons pourquoi péter est merveilleux et que c'est une des meilleures choses au monde. Je sais, c'est du grand inutile. Et dans le grand inutile, on continue ici. Vous avez peut-être été à votre party de bureau la semaine dernière, l'autre semaine avant, ou c'est peut-être ça s'en vient la semaine prochaine, ou au courant du temps des fêtes. Eh bien, je vous envoie ici 20 spécimens des parties de bureau. Moi, je vous dirais que plusieurs de ces spécimens peuvent se retrouver aussi dans votre famille, dans les parties de famille. C'est de même. Je vous envoie ici ces 20 types de personnes. À noter que l'utilisation du masculin ou du féminin est interchangeable d'un spécimen à l'autre, ou presque, en passant. Donc, le puits sans fond. À défaut de ne pouvoir boire au travail, il va se rattraper de façon assez solide au party de la compagnie. On les soupçonne d'avoir commencé à enfiler des drinks près du photocopieur à la fin de la matinée. Commencer la réunion sans lui le lendemain matin, c'est peut-être une bonne chose, parce que de toute façon, il va être en retard. Il y a l'ambitieuse, hein, si vous n'occupez aucune fonction stratégique dans votre boîte, il est peu probable que votre collègue s'approche de vous au cours de la soirée. Elle sera très occupée à placer ses pions, elle, auprès des cadres influents. Effectivement. Il y a celui qui ne décroche jamais, hein, que ce soit pendant le tirage ou le discours du patron. Il vous parlera de l'état de compte d'avril dernier qui ne balance pas ou des commandes à prévoir pour le réaménagement de l'entrepôt. Ça, c'est clair. Il y a la boule de nerf. Il s'agit de la personne en charge de l'organisation du party. Toujours stressée, elle va d'une personne à l'autre, les incitant à participer davantage aux activités et aux jeux. Elle bosse sur ce grand soir depuis septembre en vous inondant de courriels. Fait-elle autre chose dans la compagnie et a-t-elle une vie? Il y a le chialeux, hein, à l'opposé de celui qui trouve qu'il n'a jamais voulu aider le comité de responsables. Toutefois, sur les lieux, il soulignera tous les défauts de la soirée. La musique est trop forte, le repas est trop froid, il n'y en a pas assez dans l'assiette, prix de présence, pas assez généreux. Il ne s'impliquera pas davantage l'an prochain parce que ce qu'il veut, c'est chialer. Il y a aussi le DJ raté, hein. Il passe la soirée à importuner le DJ pour demander sa toune. Aussitôt que celle-ci sera jouée, il sera sur un autre cas. S'il n'avait pas choisi d'être commis aux ventes, il aurait pu être un DJ de renommée international. Il y a le prédateur, hein? Eh bien oui, pour lui, tout ce qui porte une jupe au cours de la réception sera la cible de son radar. Nul ne lui échappe, la stagiaire, la barmaid, même la femme du patron. Il y a le fêtard en quête d'un autre party, hein, d'un after. Dès que la fête s'estompe un peu, ce noceur invétéré s'avère à trouver un endroit qui sera plus tard ouvert. Il tentera de recruter la secrétaire, le commis de courrier ou même le PDG dans des clubs assez louches ouverts toute la nuit. Ben, moi, ça, j'aime bien ça, le fêtard en quête d'un after. C'est le fun quand le party est le fun puis qu'il ne se termine pas tout de suite. Il y a l'humoriste, hein, au cours des discours de remerciement du patron, il essaie de voler le show avec ses calembours douteux ou ses insipides calembours que personne ne comprend. S'il n'avait pas le choix d'être préposé à l'entretien, il aurait rempli le Saint-Denis avec son one-man show. Quand on entend parler de mots douteux, ben là, on entend tout de suite Mathieu Plante. Est-ce que tu m'entends, Mathieu? Je suis sûr que oui. Alors, non, t'es pas l'humoriste. T'es pas le caractère humoriste là, de ces personnes pas très agréables. Mais effectivement, t'es celui qui nous fait des calembours douteux parfois et même insipides. Mais ça met simplement du bonheur dans le cœur de tous. Le rapporteur, eh ben oui, ça c'est le fun, le stool, hein. Ce type de collègue profite du party pour propager tous les potins de la compagnie avec minutie et précision. Après 3 minutes d'échange, vous apprendrez des histoires saugrenues sur tous vos collègues. Vous en apprendrez peut-être même sur vous. En tout cas, les autres vont en apprendre sur vous, ça c'est clair. Il y a aussi le « c'est qui, lui hein, », le gars qui travaille dans un département où personne ne va jamais, personne ne sait même qui il est, tout le monde croit qu'il est nouveau ou qu'il s'est trompé de party, il passe la soirée à se nommer et à expliquer ce qu'il fait de ses journées à la compagnie. Il y a le patron qui veut avoir l'air cool. Il porte des jeans ou des espadrilles avec son veston pour se donner un air décontracté. Sa grande force réside dans le fait que tout le monde s'efforce de rire de ses gags ou même d'apprécier sa façon de danser, même s'il danse comme un chaudron, ouais. Il y a la saoule aussi pleureuse, hein. Dès qu'elle a quelques verres dans le casse, cette collègue enchaîne la longue litanie de ses problèmes personnels ou professionnels. Relayez-vous entre collègues parce qu'il faut la consoler. Ouf. Il y a aussi votre nouveau meilleur ami, hein. Même s'il ne vous a jamais parlé plus que 15 secondes en temps normal, il vous alignera des fresques telles que ton rapport annuel, c'est le meilleur que j'ai lu cette année ou comment ça se fait qu'on ne s'est pas connu avant, attention de ne pas vous engager dans des projets en dehors des heures de bureau. Il y a aussi ce spécimen de party de bureau, la ma tante un peu trop heureuse pour elle. Eh bien, trop heureuse, hein? Pour elle, c'est le moment de l'année où elle va prendre un verre et danser. Elle a fait enregistrer ses téléromans pour ne pas manquer ce soir spécial. Lorsque vous ne la voyez pas, vous pouvez sentir son parfum, ça c'est sûr. Il y a le comptable aussi qui est wild. Un comptable wild, moi, ça me fait penser à Archer. Si vous connaissez cette série animée, vous allez comprendre. Le reste de l'année, vous vous moquez de ses manies de vieux garçon économe, mais dès son entrée dans la salle, il se trémousse sur du LMFAO, comme s'il participait au Dieu de la danse. Il cale les vodka canneberges, comme le ferait Éric Lapointe. Un véritable phénomène. Il y a le représentant syndical aussi, hein, dans ses spécimens de party de bureau. Il a fait imprimer les règlements du party dès le mois de septembre. Si vous avez droit à 3 consommations gratuites au bar, il va les revendiquer jusqu'au grief. Si les prix de présence ne sont pas remis dans les délais raisonnables, une ligne de piquetage est prévue pendant la soirée. Il y a aussi la trop colleuse, hein. Vous ne lui avez jamais parlé ailleurs qu'à la cafétéria, mais elle s'improvise soudainement comme une grande confidente. Vous ne savez pas comment vous en débarrasser. Encore une fois, relayez-vous entre collègues pour vous en occuper de la trop colleuse. Quoique certains vont peut-être s'en occuper assez bien, la trop colleuse, hein. Le prédateur en tant que tel, peut-être. Il y a l'allergique, hein. Aucune option du souper ne lui va. Le menu végétarien contient du gluten, il est allergique au sulfite qu'il y a dans le vin, il passera sa soirée avec son épipène dans un coin reclus pour ne pas se laisser contaminer par les virus de saison. Et finalement, il y a le compétitif. Si le comité organisateur propose des jeux, soyez sûr que ce dernier voudra remporter tous les honneurs. Il est prêt à compromettre une potentielle promotion pour humilier son patron dans un concours de limbo. Vous voyez le genre? Eh bien oui, on en a des spécimens de party comme ça. Moi ici, je peux pas dire qu'il y en a ben, on est seulement quatre. Hein. Fait que non, pas tant. Mais si on regarde, là, c'est quand même des stéréotypes qu'on peut apercevoir dans certains parties. Et tiens ici, le coureur au torse nu dans la pluie enflamme les femmes et le web. C'est lors d'un lors d'un reportage télévisé par WGN TV au sujet de la météo inhabituelle de Chicago, qu'un coureur torse nu s'est fait interviewer par un journaliste et là, c'était la folie. Hein? Et le journaliste dit « Je suis avec Ethan que nous avons trouvé ici en train de courir, mais où est ton gilet? » Eh bien, c'est une belle journée pour courir et c'est trop mouillé pour porter un chandail, répond à cette question Ethan. Eh bien, tu es aussi en short, nous sommes à la mi-décembre. Comment est-ce possible? Eh bien, je le sais, c'est incroyable. J'adore courir dans la pluie et je suis aussi célibataire. Suite à cette révélation, la page Facebook de WGN TV s'est enflammée et des milliers de personnes ont envoyé des messages aux coureurs. Tout le monde le veut. Autant les hommes que les femmes, écoute, c'est l'homme c'est pas l'homme à battre, c'est l'homme à marier. Donc, c'est ça. Son Facebook s'est enflammé, celui de la chaîne aussi, et la vidéo a été visionnée plus de 4 millions de fois. Je pense que les gens sont en manque. Il y a House of Cards. Hein, vous connaissez cette célèbre série, cette célèbre télésérie américaine présentée sur Netflix. Eh bien, le président Underwood, semble-t-il, ferait une annonce spéciale hier. Il a fait une annonce spéciale pendant le débat républicain. Là, on nous dit qu'on ne sait pas encore ce qu'il en est, mais gars, moi, je suis en retard. Mais c'est un tweet intriguant qui est apparu le matin du mardi 15 décembre sur le compte Twitter de la populaire télésérie américaine House of Cards. Celui-ci se lit comme suit. Dernière heure, le président Underwood fera une annonce spéciale ce soir pendant le débat républicain. Voit qu'il est impossible de prédire avec certitude ce que le machiavélique politicien interprété par Kevin Spacey nous révélera. Tout indique que cela concernera la quatrième saison de cette série connue au Québec sous le nom de Château de cartes. Non? C'est House of Cards. En effet, les trois premières saisons de la saga politique ayant été lancées en février 2013, 2014 et 2015 respectivement, il a fort à parier que Frank Underwood nous divulguera une bonne annonce de la prochaine douzaine d'épisodes ou à tout le moins la date à laquelle ceux-ci seront disponibles sur Netflix. Mais là, moi, aujourd'hui, on l'a la réponse puis je ne l'ai pas. J'aimerais ça savoir, est-ce qu'on peut avoir plus de détails? On va aller voir si M. Underwood nous l'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben oui, c'est ce que ça nous dit. Donc, House of Cards, de retour en mars, tel que promis. Donc, le président Frank Underwood a pris la parole durant le débat de l'investiture républicaine. Pendant le débat de l'investiture républicaine. Et il nous dit que votre série favorite sera de retour le 4 mars. Et puis sinon, par rapport au débat de l'investiture républicaine hier, mettait aux prises les 9 principaux candidats à la course, dont le célèbre Donald Trump, et c'était diffusé à CNN. Quand même, assez intéressant de savoir que ça revient. Aïe aïe. OK. Je ne sais pas, c'est parce qu'en regardant pour avoir plus de détails, j'apprends que, semble-t-il, hein, ça c'est bien important, vous allez voir, on le fait tout de suite. Joël Legendre, hein, notre célèbre manche nationale, eh bien, la deuxième personne la plus recherchée dans Google en 2015 au Canada. Joël Legendre, deuxième personne la plus recherchée sur Google en 2015. Contre toute attente avec l'affaire de grossière indécente dans laquelle il a été impliqué, M. Legendre est présenté comme la deuxième personnalité la plus recherchée en 2015 à travers tout le Canada. L'animateur québécois a monopolisé plus d'attention au pays que Pierre Trudeau, que Drake ou Justin Bieber ou même Omar Khadr. Seul Justin Trudeau a réussi à surpasser Joël Legendre en se hissant au premier rang. Imaginez si Justin Trudeau avait été retrouvé dans un parc. Là, on était fous. Il devient ainsi la personnalité canadienne la plus googlée de l'année. En mars dernier, le journal rapportait que Joël Legendre avait été surpris en train de poser une action indécente devant un policier au parc Marie-Victorin de Longueuil. Selon nos sources, il se serait masturbé devant un agent en civil. En plus d'initier un flirt, il avait plaidé coupable et s'en était tiré avec $438 d'amende et une émission AV. La nouvelle avait fait couler énormément d'encre dans les médias québécois, en plus d'enflammer les réseaux sociaux, si bien que l'animateur avait décidé de se retirer de la vie publique quelques jours plus tard. Il s'est retiré combien de temps? Une semaine, je pense. Dans une publication sur sa page Facebook, il avait indiqué être humilié et anéanti. Ben, il y a personne qui t'a humilié, man. C'est toi qui s'est crossé dans un parc devant une police. En juillet, il a accordé sa première entrevue après le scandale de l'émission à Pénélope McQuaid, pardon, et Jean-Luc Mongrain. Il avait confié au duo qu'il avait pensé au suicide et qu'il vivait de l'angoisse jour et nuit. Deux semaines plus tard, Radio-Canada annonçait publiquement que Joël Legendre n'allait pas participer au Bye Bye de 2015. Et la direction croyait qu'il allait constituer une distraction pour le public. En juillet, 4 mois plus tard, hein, il s'est retiré de la vie publique, Joël Legendre, il voulait se suicider. Et on apprend que les chaînes Musique Plus et V l'ont recruté pour être à la barre de l'émission Lip Sync Battle, face à face, à partir de l'automne. Ça n'a pas été long, hein, son retrait de la vie publique. Là, je vous envoie immédiatement, justement, selon Google, le top 5 des personnalités canadiennes, donc les plus recherchées, là, on parle sur Google. Donc, Justin Trudeau en première, Joël Legendre en deuxième, Pierre Trudeau en troisième, Mike Babcock. J'ai aucune idée qui est Mike Babcock et Drake en cinquième position. Le top 5 des recherches générales sur Google. Donc, n'importe quoi. Première, ben ça, je pense que c'est canadien quand même, là. Non, pas du tout. C'est complet. Donc, première position, les Blue Jays, Justin Trudeau, la Federal Election, Pan Am Game et Perry Shooting. Oh oui, c'est sûr que c'est français, c'est québécois, là. Impossible. Pas québécois, mais c'est canadien. C'est le Google.ca, là, Google Canada. Parce que c'est sûr que je pense pas qu'on a parlé des Blue Jays plus que de Daesh, mettons. Hein, on s'entend. Le top 5 des célébrités, cette fois-ci, Chris Hyneman en première, deuxième, Lamar Humden, Caitlyn Jenner en troisième, Bobby Christian Brown en quatrième et Ronda Rousey en cinquième. Je devrais aller voir toutes ces personnes-là parce que je ne connais pas. Sérieux, désolé, je suis vraiment inculte. Le top 5 des musiciens, ah bon, en première position, Adèle. Oh, qu'on est surpris puis qu'on est content pour Adèle. Elle avait besoin de peu de visibilité. On a Drake, Sam Smith en quatrième, Justin Bieber et en cinquième, Kelly Clarkson. Le top 5 des comment faire. OK, donc on pose des questions justement à Google. Comment faire pour voter? Ça, c'est en première position. Comment faire pour utiliser Snapchat en deuxième? Comment faire pour avoir de nouveaux emojis en troisième position? Comment faire pour télécharger Windows 10 en quatrième position? Et en cinquième position, c'est comment faire pour supprimer le maudit album de U2 qu'ils nous ont donné. Tu sais, on veut pas quelque chose que tu me donnes, je veux le payer ou pas le prendre. Hein? C'est ça que je veux. Et sinon, c'est le top 5 des « C'est quoi le... » Donc, « C'est quoi le Penny Black Stamp? » OK, désolé, je suis vraiment, je sais pas. C'est quoi le score des Blue Jays? C'est quoi l'ISIS, l'État islamique? C'est quoi je suis Charlie? Et c'est quoi le projet de loi C-51? C'était un top de recherche sur google.ca. Sinon, ici, ce que les enfants répondent lorsqu'on leur demande si une femme pourrait faire le travail du Père Noël. Eh bien oui, si le Père Noël était une femme, pourrait-elle faire le travail aussi bien, peut-être mieux? Eh bien voilà la question posée à des enfants de 4 à 10 ans et leurs réponses sont assez surprenantes. Cette vidéo est conçue par l'agence Anomaly en marge du lancement de la campagne Mouclic More Woman contre les inégalités de genre. Et elle pourrait faire grincer les dents de plusieurs féministes. La question a semblé rendre incrédules les enfants qui ont répondu non du tac au tact, comme s'il semblait évident qu'une femme ne puisse pas faire le travail du Père Noël. Eh bien oui, les tout-petits interrogés ont énoncé toutes sortes d'arguments pour les accompagner dans leurs réponses. Accompagnant leurs réponses. Donc, le pourquoi, hein, pourquoi est-ce que une femme pourrait faire le travail du Père Noël? Alors, on a répondu non, parce qu'elle pourrait se perdre dans le ciel. Eh bien oui. Non, parce qu'elle pourrait avoir un bébé et aurait autre chose à faire, comme lui donner du lait. Elle n'aurait pas le temps de donner des cadeaux. Eh bien oui. Non, son bébé pourrait briser les cadeaux des autres enfants. Eh bien oui. Elle ne pourrait pas être une femme non plus, le Père Noël, parce qu'elle aurait des maux de tête. Ça, c'est des enfants là, qui ont donné réponse, c'est pas moi. Le sac cadeau serait beaucoup trop lourd à porter pour elle, donc elle peut pas être une madame pour être Père Noël. faudrait premièrement qu'il l'appelle Mère Noël, hein, parce qu'elle ne peut pas être le Père Noël, jamais. Et puis, autre réponse, non, à moins qu'elle aille au gym, peut-être qu'elle pourrait être capable. Donc, seul un petit garçon a répondu à la positive en affirmant qu'une femme pourrait se glisser beaucoup plus rapidement dans les cheminées. Un autre a ajouté qu'une femme serait bien meilleure pour cuisiner que le Père Noël. Eh ben oui, vraiment, les stéréotypes sont immortels, mais quand même, moi, je veux juste amener une petite affaire de même, là, question de mettre la tête sur le bio, là. Ben, moi, je suis parfaitement pour l'égalité, surtout des salaires, hein, parce que l'égalité des tâches, des fois, sont pas... C'est impossible, tout simplement. Juste, et puis pas ça nécessairement d'une question de genre, hein. Question de force physique, question d'aptitude. Je donne comme exemple, la semaine dernière, j'étais allé faire poser mes pneus, OK? Et puis, il y avait une fille qui travaillait dans toute l'équipe de gars. Mais sérieux, puis c'est rien pour dire quelque chose contre la fille, mais sérieusement, la fille, je la regardais travaillait très bien, mais avait jamais, au grand jamais, le temps de faire ce que les gars avaient. Les gars avaient le temps de poser 4 pneus pendant que la fille n'en posait un et quart à peu près. Pour vrai, là. Et puis, elle avait beaucoup de difficultés, elle demandait de l'aide, puis, tu sais, dans ce temps-là, est-ce qu'on peut... Puis je pose juste la question comme ça. Je sais qu'une autre fille pourrait être grosse comme un joueur de football, là, puis être capable de faire la job, mais en général, OK? Je sais qu'on peut pas dire ça à cette heure en 2015, on peut pas généraliser rien, là. Faut être spécifique, faut pas appeler un nain, faut l'appeler une personne de petite taille. Faut toujours faire attention, hein? Toujours. Je suis un peu tanné de tout ça, d'être toujours avec une loupe qui nous regarde, puis un micro qui nous enregistre pour voir si... On va dire une niaiserie, dire ce qui se dit pas. Mais je pose juste la question comme ça. Moi, je suis pour salaire égal, travail égal. Et non, femme et homme doivent avoir le même salaire. T'sais, tout le monde doit avoir le même salaire s'ils font la même tâche. S'ils font pas les mêmes tâches, ben c'est plate. Mais on peut pas donner le même prix. Même chose ici pour le Père Noël. Écoute, si... Peut-être que Maman Noël est plus forte, peut-être. Que dans ce temps-là, on devrait payer plus cher Maman Noël. Fait que, je vous laisse votre question sur cette question-là. Parlant de force, eh bien, un culturiste consommant, c'est malade, on est supposé de prendre autour de 2000, entre 2000 et 3000 calories par jour, si je me comprends, si je me rappelle bien. Mais ce culturiste, eh bien, consommait 10 000 calories par jour. Il est finalement décédé d'un cancer, OK? Mauvaise nouvelle, mais quand même, on dirait qu'il faisait tout pour se rendre à son cancer. Dean Warmby, originaire de Rockdale en Angleterre, a pris des stéroïdes donc pendant plusieurs années pour améliorer son physique. Son look physique, hein, faut le dire. Donc, l'homme ressemble à Hulk. Pour vrai, là, c'est comme « wow ». Donc, pour grossir, il consommait quotidiennement de la malbouffe, dont des hamburgers, des pizzas, des sandwichs au bacon, et jusqu'à 8 canettes de jus de boissons énergétiques pour un total de 10 000 calories. OK? Et puis, il s'entraînait tellement que, je veux dire, il n'engraissait pas, il n'y avait pas de gras. Là. Il a d'abord développé des problèmes de santé avant que les médecins ne lui découvrent une tumeur au foie. Ça va bien. En apprenant la nouvelle, le jeune culturiste a aussitôt cessé de prendre des stéroïdes et a opté pour de la médecine naturelle. Il a combattu sa maladie pendant 5 ans et demi. Toutefois, son cancer étant trop agressif, il est finalement décédé en juillet dernier à l'âge de 39 ans. Le coroner attribue directement son décès à son abus de stéroïdes. La cause la plus probable de ses tumeurs hépatiques a été l'abus de stéroïdes anabolisants, a expliqué Lisa Hachmi, responsable de cette enquête. Sérieux, le gars, là, il a tellement changé. Il était une bombe de muscles, une boule de muscles. Il est devenu tout maigre. Elle souhaite que cette histoire serve de leçon aux culturistes qui consomment des stéroïdes. La mort de ce jeune homme doit envoyer un message très clair à tous ceux qui sont impliqués dans les industries de la construction du corps et de remise en forme. Les stéroïdes anabolisants, qui sont apparemment la norme chez les culturistes, ne peuvent jamais être consommés sans risque. J'espère que les gens qui usent et abusent de ces médicaments sauront se repositionner et demander si le jeu en valait la chandelle. Cette dernière a ajouté en entrevue au Daily Mail que ses muscles, c'était ce que les gens connaissaient chez Dean. Il exploitait donc son corps au maximum de sa capacité. C'est sa femme qui dit ça. Dean Wembley avait été un culturiste pendant 20 ans avant de devenir finalement un être tout simplement malade. En tout cas, une histoire assez triste. Sur ce, je vois l'heure qui avance. Est-ce qu'on se fait ceux-là? Bah tiens, on va se les faire. Je le sais que tantôt, on va même en parler de certains de ces articles-là. Mais il faut que je vous le fasse. C'est quand même assez drôle. C'est les 12 choses dont on ne veut plus entendre parler en 2016. OK, en 2015, là, on est en 2015, vous le savez, oui, jusqu'au 1er, jusqu'au 31 décembre, finalement, pour le 1er. Le 1er, on est en 2016. Eh bien, on a parlé de toutes ces prochaines choses-là, puis c'est correct d'en parler. Mais à partir de 2016, là, il faudrait passer à autre chose. Je vous les envoie. On n'est plus capable d'entendre parler du centre Vidéotron. C'est beau, c'est ouvert. Félicitations, Québec. Maintenant, la paix avec ça. Faites ce que vous voulez avec votre détecteur de fumée. C'est ça. Ce qu'on ne veut plus entendre parler, on n'est plus capable d'entendre parler de Donald Trump. Hein, au début, c'était drôle, mais ça commence à faire un bon bout que c'est plus drôle pantoute. On est tanné. On est un peu tanné aussi d'entendre parler de « tout le monde en parle ». C'est pas vrai que tout le monde en parle, c'est juste certaines personnes qui en parlent, mais semble-t-il que c'est la norme. Faut parler de « tout le monde en parle ». Il y a des articles le lendemain de « tout le monde en parle », on a parlé de ça, « tout le monde en parle », « tout le monde en parle ». On pourrait arrêter aussi de parler de Justin Trudeau. Hein? Ceux qui l'aiment, calmez-vous un peu. Ceux qui l'haïssent, calmez-vous aussi. C'est correct, c'est notre premier ministre. Moi, en ce moment, personnellement, il me dérange pas pantoute. Pas mal. Parce qu'il y a plein de gens qui chialent sur Justin Trudeau, là, puis je dis pas qu'il n'y a pas de raison de chialer, là. Mais moi, je me dis que ça fait 10 ans qu'on avait de la marde à Québec, à Ottawa, OK, mais vraiment, là, du caca, là, mou, là. Je pense que Justin Trudeau, ça fait quand même du bien, là, hein. Mais quand même, on peut arrêter d'en parler. On n'est pas obligé de parler tout le temps de notre premier ministre, ça, c'est sûr. Autre truc qu'on est vraiment tanné d'entendre parler, et puis là, ben, on est dedans, ça, c'est sûr, c'est Star Wars. Même si c'est bon, même si tout le monde dit que « wow », puis qu'on crie au génie, puis qu'on a réussi, le pari a été relevé, eh bien, saviez-vous qu'il y a quand même 12 983 autres films qui sont sortis cette année? Et puis ça, c'est juste les films officiels, hein, parce que si on va voir dans les petits courts-métrages, les films, etc., c'est des millions de films qui sortent sans arrêt. Alors, je pense qu'on peut parler d'autre chose. On est aussi tanné d'entendre parler de la grippe. Mouchez-vous, prenez de l'ail, je ne sais pas, mais gars, arrêtez de nous en parler. Autre truc qu'on est vraiment tanné d'en parler, et puis c'est drôle, hein, parce que j'en ai parlé ici, le monde disait que « Ouais, t'es drôle de parler de ça, mais... » Oui, on est tanné d'entendre parler de Adèle. Adèle, hello, OK, hello, goodbye. Parfait. T'es bien bonne, mais on est tanné là, d'Adèle en masse. Les mignons sont si mignons, hein, si tu es un adulte qui trouve que les mignons sont drôles, réévalue ta vie. Moi, personnellement, je réévaluerai pas ma vie, mais oui, je les trouve drôles, les mignons, quand même. Mais mettons qu'on peut passer à autre chose. Les food trucks. Il y en a 6 à Montréal, puis c'est le prix de ton loyer. Va donc dans un restaurant. C'est vrai. Mais les food trucks, moi, je suis un peu tanné d'en entendre parler, mais je suis pas tanné qu'il y en ait dans les rues. Je voudrais juste qu'il y en ait plus. Mais c'est vrai que c'est comme la folie. On entend parler des food trucks. Qu'est-ce qu'on a entendu parler aussi cet automne? Au mois d'octobre, c'est quoi? Eh bien oui, le 21 octobre 2015 est passé. On ne veut plus en entendre parler jamais jusqu'au prochain voyage dans le temps. C'est Back to the Future. Puis je le sais, moi aussi, j'en ai parlé. J'ai embarqué dans cette folie-là. Mais gars, on en a assez parlé. Celle-là, la prochaine, personnellement, moi, je trouve que j'en ai pas encore assez entendu parler. C'est la chicane entre France Charbonneau et Renaud Lachance, né brun, monsieur Lachance. C'est ridicule. Je trouve qu'on en a beaucoup trop parlé, mais qu'on devrait encore un petit peu en parler parce que ça nous dérange. Monsieur Lachance qui essaie de se faire passer pour une victime. En ce moment, c'est une victime, ce monsieur. Il est victime de sa rigueur. Et on est aussi tanné d'entendre parler de l'intolérance. Ben oui, on est tanné de l'intolérance. Hein, vous voyez ici le paradoxe. C'était les 12 choses dont on ne veut plus entendre parler en 2016. Donc, profitez-en encore en 2015. Là. Il nous reste encore quelques semaines, quelques jours. Et puis après, on passe à d'autres sujets. Ça va faire du bien de renouveler les nouvelles. Question-réponse. Quelle est l'espèce animale la plus menacée au monde? Eh bien, on en compte plus que 4 spécimens. C'est la tortue géante à carapace molle du fleuve bleu, la Raphetus siminoei, de son nom scientifique, est l'espèce animale connue la plus en danger et d'extinction. Donc, peuplant autrefois le sud de la Chine et le Vietnam, elle vit désormais uniquement en captivité. La plus grande des tortues, d'eau douce, elle peut mesurer 1 mètre et peser jusqu'à 100 kg, fait aujourd'hui l'objet d'une attention attention particulière. Toutes les tentatives de reproduction en captivité ont échoué. Le seul espoir de voir se perpétuer l'espèce est l'insémination artificielle. Il ne reste plus qu'une seule femelle en vie. Âgée d'une centaine d'années, une fécondation a été tentée l'été dernier, mais sans succès. Les 89 obtenus étaient tous infertiles. Les scientifiques sont prêts à réessayer, par contre. Et parmi les autres animaux ultra menacés, donc une vingtaine d'individus, ça représente une vingtaine d'individus sur la planète, là. Figure la Geochelon abigdoni, okay, qui est une espèce de tortue géante des Galapagos, le canard fugilule, de Madagascar, le gibbon de Hainan en Chine, ou encore le tigre de Chine méridionale. Allez voir les images de ces animaux que vous n'aurez pas souvent la chance de voir, ou en tout cas, on souhaite juste qu'ils ne disparaissent pas complètement. D'où vient la tradition du fameux sapin de Noël? Difficile d'envisager un Noël sans sapin. La tradition consistant à décorer un arbre en décembre remonte au bas Moyen Âge. Il résulterait de la fusion de rites païens ainsi que de la religion chrétienne. Les Celtes associaient ce résineux au renouveau et à l'enfantement. Le missionnaire irlandais Saint Colomban, venu en France à cette époque, avait alors réuni des habitants de l'Austrasie, un ancien royaume franc couvrant notamment l'est de la France et l'Allemagne, autour d'un très vieux sapin sacré. L'arbre avait alors été décoré pendant que le religieux racontait la naissance du Christ. Plus tard, le conifère est entré dans les foyers en Alsace, décoré avec des pommes, des friandises ainsi que des bougies. La femme de Louis XV, la Polonaise Marie Leszczyńska, a ensuite introduit pour la première fois la tradition à Versailles au 18e siècle, mais il a fallu attendre le 19e siècle pour que l'arbre de Noël se généralise partout en France. Hein? C'est-tu bien ça? C'est magnifique. Dans la même optique, question-réponse ici. Quelle est l'origine du motif camouflage des militaires? Il me semble que c'est la base, là, se camoufler, c'est de ressembler à l'environnement dans lequel on est. Je suis sûr que même les hommes des cavernes et nos ancêtres préhistoriques devaient faire ça déjà, se camoufler à partir de branches et de couleurs plutôt terre. Mais faut dire qu'à cette époque-là, les couleurs fluo étaient assez rares, mais quand même. Ce motif aide les soldats à passer inaperçus. Depuis le début du 20e siècle, le motif camouflage présent sur les treillis militaires a été inventé au cours de la Première Guerre mondiale par un Français. C'est un artiste, Lucien Victor Guirand de Svevola, qui a vécu entre 1871 et 1950. Donc, ce dernier a tout d'abord eu l'idée de peindre des toiles aux couleurs de la nature environnante afin de dissimuler l'artillerie française. Il a ensuite proposé de peindre des taches irrégulières de couleurs vertes, beige et marron directement sur les canons pour les rendre encore moins visibles aux yeux de l'ennemi. Le concept portant ses fruits, une équipe de camouflage a été montée par l'état-major dès 1915. L'objectif était alors de tester ces motifs sur les tenues de certains soldats du front en Picardie. Le bleu et le rouge qu'ils portaient alors étaient beaucoup trop voyants. Il a ensuite été généralisé aux véhicules et au reste du matériel après la guerre et adopté peu à peu dans les autres armées du monde. Donc, le motif sur les treillis militaires, donc, nous viendrait d'un artiste français. Ah, c'est français, hein? D'où vient l'expression « de voir une fière chandelle » lorsque quelqu'un nous retient par le bras pour nous éviter de traverser la chaussée alors qu'une voiture arrive en trombe, on lui doit une fière chandelle. Autrement dit, on lui est particulièrement reconnaissant, voire redevable. Cette expression imagée provient directement d'une tradition catholique. Par le passé, c'est en effet à Dieu que l'on disait de voir une fière chandelle. Lorsqu'on échappait à un grand péril ou qu'une prière avait été entendue et qu'on avait été sauvé in extremis dans une situation qui était fâcheuse, eh bien, dans ce cas-là, la coutume voulait qu'on se rende à l'église pour brûler un cierge en remerciant la vie, en remerciant Dieu. Cette habitude s'est progressivement étendue pour remercier aussi des personnes et demander à Dieu de leur rendre l'appareil. Quant à l'adjectif « fier », eh bien, il ne fait pas allusion à un quelconque orgueil du cierge, mais plutôt à sa taille. En effet, plus la chandelle est grande et majestueuse, plus le sentiment de reconnaissance exprimé envers Dieu ou la personne qui a apporté de l'aide est important. Plus qu'on dépense de l'argent, plus Dieu est content. C'est un peu ça qu'on pourrait dire ici, entre les lignes. Où peut-on trouver la plus ancienne maison de Paris? Eh bien, longtemps, on a cru que le numéro 3 de la rue Volta, dans le 3e arrondissement, abritait la maison la plus vieille de Paris, datant du 8e siècle. Au regard des archives nationales, pourtant, il n'en est rien. Depuis la fin des années 90, il a été observé que c'est le 51 rue de Montmorency, dans le même arrondissement, qui se distingue au palmarès des immeubles parisiens ancestraux. C'est en 1407 que fut construite cette maison par Nicolas Flamel. Ah ouais, Nicolas Flamel, un libraire copiste féru de lettres. Nicolas Flamel, c'est pas lui aussi dans Harry Potter. C'est un alchimiste, le célèbre alchimiste Nicolas Flamel. Donc, la légende raconte qu'il accumula sa fortune grâce à ses talents d'alchimiste, découvrant la formule de la pierre philosophale, une substance capable de transformer n'importe quel métal en or. Un mythe qui lui vaut cinq siècles plus tard de devenir un des personnages, justement, de Harry Potter, la saga planétaire, bien sûr, de J.K. Rowling. Le 51 rue de Montmorency, qui a traversé les époques, est devenu une maison de passe dans les années 1940 et elle est aujourd'hui occupée par l'auberge Nicolas Flamel, une bonne table de cette capitale française. Vraiment intéressant ici. Nicolas Flamel, cet alchimiste, eh bien, a détenu la maison la plus vieille en ce moment de Paris, 1407. Quelle est l'origine de l'expression « avoir bon dos » hein? La formule fait référence aux charges lourdes que l'on peut transporter sur son dos. Lorsqu'une excuse est un peu facile avec la faute rejetée sur quelqu'un, on peut dire que ce dernier a bon dos. OK, nous autres, on va dire « il a le dos large hein? ». Au Québec, on va dire ça. Cette expression serait née dans le courant du 17e siècle de la comparaison avec les charges que devaient parfois porter des paysans ou des ouvriers. Il arrivait en effet que ces derniers doivent transporter des fagots de bois ou des matériaux de construction très lourds sur leur dos. On disait alors qu'ils avaient bon dos dans le sens où ils étaient assez forts pour assumer la charge de travail, si bien que certains employeurs profitaient pas mal d'eux. Hein? Il y avait le dos large. Par extension, la formule a ensuite servi à désigner des personnes sur lesquelles on rejette injustement une faute ou une responsabilité lourde. L'expression « avoir bon dos » a été attestée en 1690 par le poète et lexicographe de l'Académie française Antoine Furetière. C'est un grand ami puis rival de Jean de La Fontaine dans son dictionnaire universel. Donc, avoir bon dos, c'est avoir le dos large pour nous. Ici, quand même un bon dossier, mais intéressant. J'avais passé sous silence hier et avant-hier, je pense, ces nouvelles. Donc, en silence, justement, le docteur prend un bébé mort dans ses bras et amène la maman décédée à la morgue. S'ensuit deux miracles. C'est la veille de Noël et la famille Hermannstorfer se prépare à célébrer cette fête en famille. C'est quoi? C'est l'année dernière. Et pour leur fils Austin et Kenyan, ils préparent la plus belle des surprises le 24 décembre. Un troisième petit frère devrait naître. Mike et Tracy sont tellement et follement amoureux depuis le jour de leur rencontre et ils sont comblés d'avoir bientôt un troisième enfant, mais ils ne savent pas encore ce qui va leur arriver dans les heures suivantes. L'accouchement semble se dérouler normalement et les contractions sont régulières pour la maman Tracy. Mettre un enfant au monde est déjà bien connu, puis soudain, tout s'aggrave, des complications surviennent et les médecins commencent à s'inquiéter. Mike ne sait pas ce qui est en train de se passer, Mike c'est le papa, mais d'instinct, il sait que quelque chose ne va pas. Soudain, il entend un long et pénétrant bip. Venant de l'électrocardiogramme. Oui, le cœur de la maman, Tracy, s'est arrêté. Les médecins sont complètement paniqués. Ils tentent toutes les techniques pour sauver Tracy, mais en vain, les minutes passent. Chaque seconde est une torture pour Mike, qui ne peut rien faire, sinon regarder les médecins tenter désespérément de ramener sa femme à la vie. Il voit alors Tracy devenir pâle, puis presque grise. Après 4 minutes intenses, le médecin déclare la mort de la patiente. Hein, imaginez, ça s'en allait tout normal et ça finit de même à date. Maintenant, chaque seconde compte pour le bébé. Les docteurs savent qu'ils doivent immédiatement provoquer l'accouchement. C'est une question de vie ou de mort. Ils l'expliquent à Mike, complètement sonné par la mort de sa femme. Ils vont alors procéder à une césarienne. La salle est pleine de machines qui bipent, de tuyaux qui s'en mêlent et de cris. Tout le monde est affolé, mais Mike est toujours calme. En état de choc, il remarque à peine ce que font les gens autour de lui. Il acquiesce à tout ce qu'on lui demande de faire de manière absente. Il fixe du regard le corps sans vie de sa merveilleuse Tracy et voit les médecins lui ouvrir le ventre. Pour sauver son bébé, les docteurs parviennent finalement à extraire le bébé de l'utérus. Ils sont tous tendus, penchés autour du bébé pour savoir s'il va pousser son premier cri. 10 secondes interminables passent pendant lesquelles plus personne n'ose respirer. Ils attendent silencieux, mais il est déjà trop tard. Le bébé est mort-né. Mike est complètement anéanti. On lui donne alors son bébé pour qu'il puisse le prendre au moins une fois dans ses bras. Et là, l'incroyable arrive. La cage thoracique du bébé commence à bouger tout doucement. Le bébé parvient à remplir ses poumons d'air, puis finalement crie. Il crie si fort que cela ne fait plus aucun doute. Il est vivant. Puis un miracle se produit avant que les médecins n'aient le temps de recouvrir le corps de Tracy et de l'amener à la morgue. Son cœur, à elle aussi, recommence à battre. Il est faible et irrégulier, mais petit à petit, l'électrocardiogramme se stabilise. Elle ouvre les yeux et regarde les visages ébahis autour d'elle. Personne ne parvient à expliquer comment Tracy a pu ressusciter. Mike, elle venait de subir une césarienne. Elle venait de se faire ouvrir le ventre, hein, en passant. Mike n'en croit pas ses yeux et il a l'impression d'être au 7e ciel et sa femme et lui sont ravis de voir leur nouveau-né en pleine forme. Il s'est maintenant endormi dans les bras de Mike, ne sachant rien de sa naissance, plus que miraculeuse. Aujourd'hui, c'est un petit garçon de 3 ans, plein de vie, entouré de ses 2 frères et de ses parents. Même maintenant, personne ne sait ce qui est arrivé à Tracy et les médecins ne parviennent toujours pas à expliquer comment elle et son fils ont pu se réveiller. Mike et Tracy sont incroyablement reconnaissants que leur famille ait survécu à ce cauchemar et célèbrent chaque année ce miracle de Noël. Une vraie belle histoire de Noël. Magnifique. Et ici, moins magnifique, mais c'est quand même la réalité. On a le lien entre la maladie de Parkinson et les pesticides sont officiellement maintenant reconnus. Un pas de plus dans ce domaine où régnait jusqu'ici la loi du silence. La prise de conscience des effets de produits phytosanitaires sur la santé des agriculteurs commence seulement à émerger. Lundi, le 7 mai 2012, ça fait quand même longtemps, là, était entré en vigueur un décret qui reconnaît la maladie de Parkinson comme une maladie professionnelle et établit explicitement un lien de causalité entre cette pathologie et l'usage de pesticides. Monsanto va être poursuivi pour crimes contre l'humanité et à la Cour pénale internationale. Bravo. De l'Union de la société civile naît un tribunal international contre le colosse des biotechnologies. Après les maintes controverses autour de ses OGM et de sa stratégie impérialiste, la firme américaine Monsanto est encore une fois sous le feu des projecteurs. Elle est invitée du 12 au 16 octobre 2016 à La Haye, aux Pays-Bas, à venir se défendre devant un tribunal contre de multiples chefs d'accusation. En effet, un collectif international de juristes, d'ONG, de mouvements citoyens ainsi que de personnalités constitué d'un comité de 24 personnes et de 21 associations souhaite poursuivre en justice cette multinationale accusée de polluer l'eau, les sols ou l'air, d'accélérer l'extinction de la biodiversité et la progression de ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle l'épidémie de maladies chroniques évitables, cancer, maladie, Alzheimer ou Parkinson, ou encore même de menacer la souveraineté alimentaire des peuples par le jeu de brevets sur les semences et la privatisation du vivant. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados diffusion sur cestfou.ca.